Bizarre. Bonsoir, vous êtes avec les Pack Avengers. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Et oui, vous êtes avec les PK Avengers, le jeudi de 21h à 23h. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, j'aime bien, j'avais jamais commencé comme ça. Pour un début à tout. Va falloir t'y habituer. Oh, oh. Je t'aime bien, Kevin. Ouais, moi aussi, je t'aime bien. Vous êtes content d'être là? Ouais, ouais, comme bah ouais, très content d'être là. Oui. Antoine, il est en train de casser le micro. Il est en train de casser le micro. Nous avons un problème technique. Non, c'est tout à fait normal. Antoine qui galère avec son micro. C'est... Ah, c'est qu'il était trop haut, c'est pour ça. Oui, oui, oui. T'as l'habitude de galérer avec le micro. Aïe, tu vas bien, Antoine? Ça va, ça va. Non, pour... pas pour ton micro, dans la vie. Ouais, ça va, ça va, je sors juste du travail. J'ai fait un sprint en deux roues là, parce que je sors juste du travail. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, t'es arrivé un peu à la bourre pour le coup, mais bon. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a fait soirée raclette, alors oui. T'as loupé la soirée. Vous m'avez gardé une part au moins. Non. Ce soir, on s'est dit, je mangerai des pâtes. On te garde une part de raclette. Non. On te garde une tranche de fromage. Moi, des fromages fondus, ça me va. Non, Thomas, il a tout fait tomber. Oui, Thomas, il a fait tomber le jambon. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ça va, direct. Et oui, parce que ce soir, nous avons un invité spécial. Enfin, spécial, je sais pas. Un invité de marque. Oh, exactement. Un invité de l'ESCAT, si j'ose dire. Et oui. Ou président du SVA, studio venu d'ailleurs. Vas-y, présente-nous le SVA, tu le connais bien, je crois. Le SVA, si peu. Alors, c'est une association d'audiovisuel qui fait des courts-métrages, des pubs, genre de choses. Ouverte à tous, gratuite, et c'est la bonne ambiance, quoi. Ma foi. Ça décrit plutôt bien le truc. Ouais. Et y a qui d'autre dans l'ESCAT? Je me suis trompé, mais bon, il y a des gens de l'ESCAT aussi. Ça ici. Marche aussi. Toujours. Il y a toujours Gailan qui est toujours à l'ESCAT. Il y a toujours Marguerite, toujours à l'ESCAT. Et vous faites aussi partie du SVA maintenant? Oui, malheureusement. Eh ben oui. Officiellement, on n'a pas tous les papiers, mais. Yes. Oui, vous faites partie du SVA. Moi aussi. Je l'anne aussi par intermittence, ça pourrait arriver? Un jour. Un jour, oui. Un jour. Un jour peut-être. T'as passé une bonne journée, Jean? Ouais, très bien. Ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, franchement. T'as mangé un petit déj ce matin? Ouais, non. On s'en fout. Hein. Bon. J'avais rien d'autre à dire, je meuble en fait. Ouais. Ouais, si tu serais mon petit déj du matin. De quoi? Ouais, si tu serais mon petit déj du matin. T'as mangé quoi, une raclette? Non. Tablette de chocolat en ce moment. Ah. Oh. Petit déj! Ça donne la chiasse. Mais Non, ça n'est pas pour Kim, pas moi. C'est pas bon pour le diabète. Hein. Effectivement, je n'en ai pas pour l'instant, c'est bon. Hier soir, aparté, on va dire. Je mangeais avec Maëva, voilà. On mangeait une dernière. Je me couche, je me rends compte que j'ai pas pris de dessert. Oh, la boulette. Sacrilège. T'as sauté le fromage aussi. C'est privé. T'as pas pris d'entrée non plus? Oui, non, alors les entrées, jamais. Moi, c'est plat, fromage des fois et. Surtout dessert. Surtout dessert. Alors, notamment que tu les flambis. Tu t'es relevé. T'as pris une part de cafetière. Franchement, non. J'ai été chercher une boîte de crottes au chocolat. Je l'ai mis à côté du lit. T'as pris le Kinder? C'est une bonne solution. Voilà. J'ai pas pris de Kinder. Kinder, c'est une autre histoire. Un jour, peut-être. Non. On va pas vous parler de Kinder. Non. Mais une autre fois, peut-être. On pourrait. Il y a beaucoup à dire sur les Kinder. Non, on va parler de films. De beaucoup de films pour une fois. On a trois personnes. Marguerite va parler d'un film. Yes. T'es pas obligé de le dire. C'est comme tu veux. Est-ce qu'il y en a qui veulent le dire ou pas? Si, moi je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc Voilà. Donc Hélène va parler d'un film qui s'appelle Blade Runner. Moi je veux bien parler aussi. Tout le monde connaît. Bah non, moi je connais pas. Ok, on s'en bat les couilles, d'accord, très bien. Tu veux parler? Moi je vais parler du film Hors Norme, qui est assez récent. Il est hors norme. Voilà, il est hors norme, clairement. Point, point, point, point. Point. Alors, toi là, si t'es venu pour faire ça, tu sors tout de suite de mon vie. Et tu... D'ailleurs, tu vas nous présenter toi aussi un film? Non, un comics. Ah, c'est une première. Ah, je me suis trompé. La première dans PK Avenger, un comics. Yes. Lequel? Je suis Batman. Non, je vais vous présenter Watchmen de Alan Moore. Et c'est. ça va être sympa. Ouais, c'est tout parce que tu présentes pas maintenant. Ça va être sympa. Je te casse direct, moi. Non, en tout cas, il y a une bonne émission ce soir. Je trouve, j'apprécie. C'est sympa, il y a une bonne ambiance, hein. Ça va, ouais. C'est sanglant ce soir. Comme d'hab. Hein? Comme d'hab, finalement. Ah oui, j'ai compris comme la vache, mais. Ça va pas là. Un jour peut-être. c'est qui va commencer? Parce que, alors, je vais vous le dire clairement. J'ai le conducteur que Jolan m'a fait, merci Jolan. De rien. Mais j'ai pas écrit. J'ai pas écrit. Du coup, l'ordre, on va le faire un peu à. Et on peut applaudir. À la Wologan, merci. Ok. Merci. Applaudissements. Ouais. Ah. C'est un peu fort dans mon trop fort. Je n'entends plus rien, je suis sourd. Mais je crois avoir entendu Antoine qui allait commencer. D'accord, c'est une série que je présente, moi. Oui, toi tu vas nous présenter Daybreak. Ouais. Mais tu vas pas nous le présenter tout de suite aussi. Tu vas attendre la musique d'abord. On va pas s'écouter, mais on va écouter une musique. Parce que s'écouter, c'est pas français. Tiens, Anafri. Oui. Eh ben non. Non, il y a pas de Anafri ce soir. Oh ouais. Oh non, déception. Ah si, pas d'Anafri. Oh mon dieu. Alors, il y en a, ils diront Dieu est béni, je sais pas. Théo, il est en train de faire une tête derrière moi. Oui. Y'a Chloé Staffler ou pas? C'est non, même pas. De qui? Non, mais on met jamais ma chanteuse préférée. C'est qui ta chanteuse préférée? Chloé Staffler. Je connais pas. Bah tiens, on va faire un petit tour. C'est qui ton groupe de musique ou ton chanteur préféré? C'est une grande question. Muse. Allez. Ah, c'est vrai que c'est cool, Muse. J'adore. Gaylan? En ce moment, ce serait Pink Floyd. Ah, du classique. Bon choix. Très bon classique. C'est une bonne, très très bonne question. Plutôt, genre musical plutôt, parce que je sais que toi, ça va être compliqué. Sur du soul blues. En ce moment, Dépression, tristesse. Non, mais non, au contraire, c'est tout l'inverse. Oui. Oh, je sais pas, moi c'est ce que m'inspire le blues. Un coup de blues. On a fait du montage ce matin, c'est vrai que la musique était triste. Trop entraînante. Non, c'est entraînant le soul. Ouais. Le blues, il y a du genre un peu dépressif, mais le soul. Le soul, c'est la vie, catégorifié, moi. Le blues, ça sort de la. Le blues de chill, un peu. Ouais, il y a ça, mais il y a aussi du blues, tu vois, genre vachement entraînant. Non, c'est au contraire, c'est la joie, le soul. Soit. On va passer à Jolan. Revois ta culture musicale, t'as dit. Ma culture musicale est très très très limitée. Ah. C'est pour ça, je passe à Jolan. Justement, c'est une belle occasion. Ouais, moi, j'écoute du HDS en ce moment. Du quoi? La CDC. Ah mais faut le dire ça comme oui. ça. Il y a des incultes ici. Et toi, t'es dit. Tout de même. Faut vraiment que j'en parle. Oui, allez. Non, le faire, alors, j'écoute pas vraiment beaucoup de musique, à part des openings de manga ou des soundtracks de manga aussi. Full manga. Tu vas être content ce week-end. Ou alors du rock irlandais, je me suis découvert une petite passion. Ou Lindsey Stirling aussi, j'aime beaucoup. Okay, ouais. Okay. C'est génial, c'est avec des accordéons et tout. Il y a une musique en ce moment que j'écoute en boucle. Il n'y a pas sur Indestar d'ailleurs, Lindsey Stirling. Oui, Lindsey Stirling, il n'y a pas sur Indestar, effectivement. Je ne sais pas si on l'a ce soir. Je crois pas. Non. Mais je sais qu'il n'y a pas, je l'ai déjà entendu. Oui, il y a plusieurs de ses musiques. Mais ouais, elle est géniale, elle fait des musiques en boucle et tout. Puis... C'est la nana avec son violon, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, elle fait des trucs de ouf. Fait des trucs de ouf juste avec son violon, c'est assez impressionnant. On dit pas de titre. On s'en retire, Gaëlle. Je l'ai vu à son sourire. Attention, il y a la caméra. Oui, en plus. Mais là, ça sera pas Lindsey Stirling qu'on va écouter, apparemment, c'est Lionel Cassio. Say it to my face. Je l'ai bien dit. Ouais. L'accent anglais. Merci, merci beaucoup. C'est de mieux en mieux. Hein. Oui. Ouais. Je m'améliore. Il a des progrès. Hein. Il est bilingue, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Bilingue. Je suis franglais. Incroyable. Franglais. Oui, vous connaissez pas. C'est un mot de mon cru. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement. Ah mais si, on m'entend. Voilà, ouais. c'est pas grave, je t'excuse. Non, c'est de ma faute. Exactement, mais j'aurais pas dit mieux que le jingle, effectivement. Mais là, c'est bizarre, je m'entends plus parler. Je t'entends plus. Bah ouais. Un coup, c'est trop fort. Ah, mais les papes te casse-pieds celui-là. Bah, je crois. Clairement. Hein. Ouais, parce que là. Alors. Pendant la musique, en fait, on s'est amusé à trifouiller les casques pour voir si c'était bon. Ouais. Et au final, j'entends plus rien. Ah, c'est le. On me dit chet dans l'oreille. Ah, là, j'entends quelque chose. Là, c'est bon. Yes, là, c'est bon. C'est bon, voilà. Je t'entends. J'entends des gens. Ouah, bonjour les gens. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et vous m'écoutez et... Rebonsoir. Ah, oui, grand bonsoir. Je te laisse la parole, Antoine. Tu vas nous présenter Daybreak, si je me trompe pas. Oui. Une série Netflix qui vient de sortir, je crois. Oui, en 2019. Après, ouais. Plus de... Bah, elle vient de sortir, quoi. Ouais, je crois qu'il y a même pas 2-3 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Bah, vas-y. D'accord. Nous t'écoutons, la parole est à toi. Oui, ouais, pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison. Parce que... Bah oui, c'est le début. Puis c'est Netflix. Ils disent pas si on sort une deuxième pour l'instant, ils savent pas trop. Non, ils attendent toujours de voir l'audience. Excuse-moi. Ouais. C'est ouais, de la place. Il y a le producteur derrière, je vais pas l'écraser. Il y a 10 épisodes. Je suis écrasé. Il y a combien d'épisodes? 10. Ça va entre 30 et 40 minutes après, avoir peut-être une heure. Ah, c'est pas comme ça, ce que je trouvais ça marrant, c'est, c'est les titres des épisodes. Pourquoi? Des fois, ils ont des titres qui veulent rien dire. C'est très bien. Bah, genre, le dernier épisode, c'est Boom. Ah. Wow, c'est artistique. Ça Thomas, donne-nous ton point de vue. Mais pour avoir vu la série, en vrai, c'est logique. Après, avec c'est... l'ambiance et l'univers de la série. Ouais. Ça fait Boom. Ça fait Boom. Ouais. Ah, voilà. Allez, je vous explique comment ça se passe. C'est vrai que comme titre, c'est assez court. Ouais. Mais sans le côté titre, titre la blague. C'est assez court. Merci. Ah, celle-là, elle est... Oh, pardon. Je t'ai obligé. Bon, en fait, ça se passe. Ça se passe dans un lycée, il y a un jeune qui vient juste de débarquer. Ouais. Mmh. Aux États-Unis, alors que de départ il est déjà à Alaska, je crois, une carrière comme ça. Ça. Ouais. Parfois. Il débarque, tout d'un coup, bah, il sort avec une fille, tout va bien. Waouh. Puis. puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as des bombes nucléaires qui éclatent dans la ville, qui éclatent aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis, non, c'est pas surprenant. Et ils savent pas de quoi ça vient, si ça vient des États-Unis ou du. Bah non, les États-Unis se bombardent pas tout seuls, voyons. Bah ça va, hein. Ce serait logique. C'est forcément un coup des Russes. Ah mais ça passe. C'est un coup des Soviets. Ça passe, c'est la Russie, la Corée du Nord, le Japon. Ah oui, c'est vrai, eux aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas. Ils savent pas où ça vient. Donc bah ça se passe dans un... Donc ils se retrouvent dans un monde apocalyptique. Quoi. Il y a survécu. Ouais, ceux qui survivent, c'est les jeunes. D'accord. Tous les adultes, ils deviennent des... Ils appellent ça des ghouls. Ouais, c'est des genres de zombies. Ouais, c'est des genres de zombies, ouais. Il y a que les jeunes, donc c'est une bombe nucléaire un peu spéciale du coup, ça fait pas boom. Ouais, c'est pour ça qu'ils enfin, ça fait boom, mais c'est une bombe chimique. Ouais, c'est une bombe chimique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bombe chimique, mais c'est pourquoi les jeunes sont pas touchés. Ok. Une attaque de bioterroristes. Ouais, c'est ça. Comme on a parlé dans Resident Evil la semaine dernière. Est-ce qu'on voit ça? D'accord. Et donc, du coup, ça a transformé. Après, il y a quand même quelques adultes qui ont réussi à survivre, mais ils savent pas comment. Ils sont immunisés. Ouais, ils ont. Ouais, voilà. Du coup, faut les garder en vie parce qu'ils sont pratiques pour le gène. Non, parce que ces adultes-là sont à moitié timbrés. Ah, oui. Ils sont pas matures dans leur tête. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont immunisés. Mais oui. C'est pas... Si ça se trouve, il y a des jeunes, ils sont zombifiés parce qu'ils étaient matures. Bah, ça va, non, j'en sais rien. Non, c'est pas pourquoi. Il y en a qui survivent, d'autres qui survivent pas. D'accord. Et le mec, il essaie de retrouver sa copine. Ah, ouais, c'est vrai que c'est le premier réflexe. Moi, je pense que j'irai voir ma grand-mère. Oh, ah, comment elle va? Ouais, mais après, si jamais elle est devenue une goule, tu fais comment? C'était peut-être déjà une goule de son vivant. Arrête, c'est deux autres. Ah, c'était déjà la bave, d'accord. Bah, baby. On va se reprendre, vas-y. Donc, le mec, déjà. Alors, sa grand-mère. Ouais. J'arrête. Déjà, le mec, il a réussi à survivre, donc toi. Ouais. Sauf qu'il est tout seul. T'as plusieurs groupes ou que t'as. Genre t'as des mecs, ils se prennent pour des policiers, t'en as, ils se prennent pour... Ah oui, il y a des clans qui se créent. Ouais, c'est des clans. En fait, c'est les clubs du lycée qui se sont gardés pour faire des clans. Toujours des lycéens, de toute façon. Ouais. Oui. D'accord. Et il y a un groupe de policiers, tu dis? Oui, il y a un groupe. Ils font les flics? Ouais, il y en a qui font les flics, il y en a qui... Ça va être marrant. T'en as, c'est des clubs de golf, genre ils ont des clubs de golf, genre t'as des machettes au bout. Ah, oui, un club de golf, genre ils jouaient au golf. Je me suis dit, ouais, le mec. Ah, mais si, ouais, mais c'est. Oui, c'est un club. Eux, c'est des clubs de golf. C'est l'ancien club de golf, voilà. Ils se sont reconvertis dans. Bah, dans la baston, quoi. De toute façon, c'est que ça. C'est un même club de golf, oui, c'est vrai. T'as deux solutions, soit tu joues au golf, soit tu tapes avec. Et je le compare un peu à Mad Max, cette série. Mad Max? Ouais. Oh. Bah, de Mad Max et puis. Fais attention à ce que tu dis, on a un spécialiste dans la place. Ah, je sais pas quoi. C'est juste de la post-apo, mais en vrai, au niveau univers. Oui, il y a de l'influence. Il y a un petit peu de Mad Max, mais. Il y a de l'influence au niveau des costumes pour un groupe particulier, le groupe des sportifs. Ouais. Après, ouais, niveau en termes d'ambiance, c'est pas du tout sérieux. Ah, bah, je dirais, surtout dans l'ambiance, c'est plus sur de l'humour quand même. Mais c'est quoi, Antoine? Ouais. Et c'est du gore humoristique, quoi. Ouais. Tu comprends pourquoi j'invite pas souvent Thomas? Parce qu'il va te contredire sur ton. Ah, bah, c'est bien, moi qui donne son avis. Il donne son avis, non? C'est bien. Non, je veux pas l'entendre. C'est non, c'est qu'il a un point de vue très artistique. Oui, voilà, c'est ça. Il donne son avis quand tu. Vous êtes. Galan et Marguerite aussi. Mais ils te le disent pas. Y'a que Thomas qui c'est un connard. Un plaisir. Je vais te faire virer. Non, y'a que Thomas qui a le courage de poser son avis. C'est ça. Mais bon, il va falloir qu'on le fasse plus alors. C'est bien. Oui, bah allez-y, sans problème. Ok. Lâchez des petits trucs, sans entendre des petits pics sur les gens. C'est pas vrai. Des petits cordons. Ouais. Mais c'est ça. Après, la série, elle est vachement inspirée de, pour ceux qui connaissent, d'un jeu vidéo sur Xbox One, Sunset Driver. Ah non. C'est un des premiers jeux sortis sur Xbox One, où c'est un peu le même délire en termes de charte graphique, ainsi de suite. Où en fait, c'est un mec qui est plongé dans un monstre post-apo avec des ghouls, et enfin, c'est très graphique. Et le mec, il a des rollers. Enfin, c'est en fait tout le délire, c'est d'avoir un gameplay très vertical. Et d'accord. De zigouiller de la goule à foison. Ouais. Ok. Et c'est vraiment, vraiment une inspiration qui se ressent. Ok. Et c'est un peu du genre World War Z ou. Pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est, World War Z, c'est vraiment réalistique. Là, c'est cartoon. Ok. Est-ce que c'est un peu Shaun of the Dead? Ouais, carrément. Plus ça. Ah, ouais. Ok. Ça m'intéresse. Ouais, bah moi aussi. Ah, franchement, il est super drôle. Je me suis tapé des barres, franchement. Ouais, vraiment, c'est très drôle. Et des fois, je crois qu'ils font même de l'influence à des films de temps en temps. Oui, il y a des références. Un peu non, il faut être qui prend trop pour Mad Max et tout. Ouais. Après, bon, juste, moi, personnellement, il y a juste la fin à partir de l'épisode 6 où j'ai trouvé que la série baissait beaucoup en qualité. Ouais. Et que c'était plus très intéressant, mais bon. Tu sais comment ça se fait? Il y a eu un changement de réal ou... Aucune idée, c'est juste les séries Netflix en général, c'est bien jusqu'à 3 quarts. Et au bout d'un moment, c'est comme Walking Dead. Walking Dead, c'est pas, ils ont beaucoup baissé Walking Dead. Voilà, c'est pareil. Moi, je suis sûr, je suis le seul blaireau qui continue à regarder Walking Dead. Ouais, ça fait encore des grosses. Moi, je l'ai pas regardé, hein, comme ça, c'est réglé. Non plus. Si, j'en ai parlé à plein de personnes, ils m'ont dit que j'arrête la saison 3. Ouais, en France, oui, mais par contre, je sais qu'en State et tout, ça a encore des gros States. Gros pics. Après, je prends de la saison 9. Ouais. Je sais pas, y en a qui ont pas regardé Game of Thrones aussi. Oui. Ça peut être drôle. J'ai pas fini encore. J'ai regardé moi, je m'endors devant, donc je ne regarde pas. J'ai fini. Jamais regardé. Ne me spoil pas. T'as bien aimé? Non, pas la dernière saison. Ah, c'est étonnant. Mais je veux dire, tout le monde a l'air de la détester. Ouais, bah, oui, apparemment. Ça se termine Game pas of trop. Thrones, cool. Très intéressant. Il y a un cosplay Game of Thrones qui a été fait très intéressant la dernière saison. D'accord. C'est une femme Qui est en sac poubelle, dans des poubelles, avec marqué saison 8 de Game of Thrones. D'accord. Magnifique cosplay. Voilà, c'est, j'aime bien. Bah, bien l'ambiance. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai jamais regardé Game of Thrones et ça m'intéresse pas. Je sais pas. Bah, bon, l'univers, franchement, il est sympa. Ouais, ça, c'est tout le problème. Je sais pas. Et puis même en termes de costumes et tout, c'est quand même en termes de décor, c'est quand même intéressant. Non, je trouve ça, je trouve ça magnifique, comme je sais, j'ai des extraits, je trouve ça magnifique, mais je sais pas. Il y a trop de morts. Il y a trop de morts. Ah, mais je sais pas, je suis pas fan. Bah, c'est j'aime simple, regarder, mais je sais pas, ça me tente pas. Ouais. C'est simple, en fait, tu aimes un personnage, bah, deux épisodes après, il va zigouiller. Voilà. C'est ça. Moi, je l'ai regardé parce qu'il y avait Sean Bean, mais j'avais oublié que c'était Sean Bean. Mais non, mais je savais ce qu'il est. Puisqu'il est dans la série, je savais forcément. Fatalement, ce qui allait lui arriver. C'est un rôle pour lui. Voilà. C'était écrit encore une fois. Destiné. Il joue quel personnage dans Game of Thrones? Stark. Lord de Stark. Oui. Bah oui, alors. Il meurt. T'as pas le droit de spoiler. On ne sait pas. Pour rien dire. Bah je sais pas. De toute manière, ils meurent tous. Hein. On est d'accord. À la fin, il y a une bombe nucléaire qui arrive. Mais ça doit être un membre éloigné de Boromir, enfin un truc. Référence à Star Wars. Voilà. Star Wars. Star Wars, oui, bien sûr, tout à fait. C'est Seigneur des Anneaux. Oui. Pardon. Oui, peut-être. Je préfère. Ouais. Ouais, bah, tiens, je vais passer à autre chose vite. Transition. Chez moi, il y a deux jours. Ouais. Tranquille, je regarde la télé. J'entends quoi? J'entends la musique de Seigneur des Anneaux, genre, mais à fond, dans tout l'immeuble. Putain, mais c'est quoi ce bordel? J'ai qui écoute Seigneur des Anneaux? Et le mec, il l'a mis pendant des heures. Il s'est regardé. Enfin, non, je sais pas s'il a regardé, mais il s'est mis la musique là. À tue-tête. Elle est trop bien en même temps, la musique. Ouais. Oui, genre, oui j'ai un album. Elle est cool. J'avais un album DVD avec justement trois albums DVD avec toutes les chansons. Elle est cool. C'est, mais pour soi. Cool. Oui, pour soi, oui. Les voisins sont pas forcément totalement d'accord. C'est ça. Surtout quand bébé va aller dormir. Il y a ce petit problème. Après, moi, ça me dérangeait pas trop, mais. Hein? N'est-ce pas Teddy? Oui, oui, voilà, exactement. Bah, tu fais pas de bébé, c'est tout. Voilà. Pour voilà, reparler de Daybreak, en parlant de musique, la BO est vachement cool. C'est du bon rock années 2000. C'est pour ça que j'ai parlé de musique, c'était pour faire transition. Et ouais, non, ça passe nickel et ça rentre vraiment bien dans l'univers. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. C'est sûr, ça rentre très bien. Oui, moi je. Antoine, non, mais non, mais, non, mais ça va, ça rentre très bien la musique, j'ai bien aimé. D'accord. Niveau développement des personnages, est-ce que ça reste cohérent toute la narration? Ouais, pendant ces premiers épisodes. Ça reste cohérent non, mais, enfin, pendant. Pour Thomas, t'as tout vu? Ouais, j'ai tout vu, ouais. Okay. Malheureusement, j'ai tout vu. Ah, il y a 10 épisodes, c'est ça que vous avez dit? Ouais. Bon, ça va vite, après, hein. Après, je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Moi, personnellement, j'ai trouvé les personnages vachement bien écrits et c'est la grosse force du truc. On arrive à s'attacher aux personnages. Ouais, l'instant que t'attaches me répond, ce qui m'a tenu après, c'est la fin. C'est quand je termine le truc, mais j'ai pas les spoilers. Mais franchement, la fin, j'étais très étonné. Bah, en fait, la fin a fait pas énormément de sens, parce que les personnages sont. En fait, on les développe d'une certaine manière, puis à la fin, on dit non, mais en fait, on les tue. Pas ça. D'accord. Et okay. C'est ça, et du coup, c'est un peu. Vous étiez un peu déçu quand, en gros, Bah, la fin est décevante et en plus c'est mal écrit, donc bon. Après, est-ce que c'est pas justement pour laisser une fin ouverte ? Est-ce qu'il y a c'est... pas. Ah oui, j'étais clairement. Pour une deuxième saison ? Une deuxième c'est saison. Pour ça. Mais okay. En fait, avoir une deuxième saison, mais ok, c'est... mais si ça défonce toute ta première saison, bon bah. Ouais, c'est pas fou. Tu parles beaucoup, toi ? Excusez-moi. Non, mais de toute manière. Mais au contraire, non, là, oui, c'est ça, au contraire, c'était pas un reproche. Mais oui, mais justement, il va s'exprimer. On va écouter Vid. Non, pas Vidya. C'est l'artiste. Vidya, c'est l'artiste. Lean On, c'est une cover de Vidya. Oh, Lean On, c'est une cover de Vidya. Je parle peut-être évident. Beaucoup, mais moi je parle bien. Mais tu vas parler juste après. Alors oui, que toi tu parles pas beaucoup. Oh. C'est mon émission, tu sors. Non, je plaisante. Mais justement, tu vas pouvoir parler après de ton comics. Oh putain, j'ai oublié. Watchmen. Watchmen. Eh, on va faire, ils vont pas faire un film de ça ? Il y a une série actuellement. Il y a déjà un film. Il y a un film. De 3 heures. Il y a déjà 3 séries, 4 films. Il y a un film et une série qui vient juste de sortir. Ah, oh, c'est ça que j'ai vu. Ah, c'est cool. Je crois que ce sera Amazon, je crois, comme ça. Attends. OCS. Ouais. La musique d'abord et après t'en parles. Oui. Les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. On fait ça bien. Donc, vas-y. Pardon, mon petit Eddy. Merci. Excusez-nous, patron. Allez, envoie-nous la musique. J'aime quand vous me léchez les pieds. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avengers sur Indestar. Eh oui, les PK Avengers sur Indestar. PK Avengers, ils sont vraiment très beaux. PK Avengers. Ok, on s'arrête. Faut pas me laisser seul comme ça. Ah, ça nous manque. Surtout que c'est ta faute, c'est toi qui as commencé, Antoine. Je connais pas les paroles. Tu connais pas les paroles ? Oh. Bah, ils sont vraiment très beaux. Peck Avenger. J'étais pas là qu'on voulait. Tu veux l'écouter ou pas ? Ah, c'est moche. Tu veux te rendre. On t'en met un petit. Vas-y, on met un petit extrait. On se remet un petit générique. Allez. Ils sont vraiment très beaux. Peck Avenger. Ça fait rêver. C'est vrai ? Ah ouais. Mesdames, messieurs, au revoir. Quand on s'amuse, ça donne ça. Salut, allez. Oh putain, ça... Oh, ça... Ouais. C'était violent la transition. C'était un peu... Bon, c'est pas très grave. Tu l'aimes bien, ce Ben ? Oui, totalement, ouais. Totalement. Tu vas pouvoir présenter dessus. Oh yeah. Oh. Oh. Je te laisse présenter Watchmen. Watchmen. Je l'ai retenu. Alors, Watchmen, c'est un cas très particulier dans le comics. On a tendance à dire roman graphique, enfin, pour les gens qui considèrent les comics comme un peu de la sous-culture. Donc on ce sont des cas de violence. Non, mais vraiment, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter qu'un comic soit bien. Donc, voilà. C'est dommage. Donc, ça a été écrit par Alan Moore, le papa des comics, le plus grand des super-héros, le plus incroyable, le plus génial, le plus... Voilà. Talentueux. Le plus talentueux. Ouais. Je connais pas. Non, Alan Moore, en fait, c'est un auteur anglais qui est ultra réputé dans l'univers des comics. Ouais. C'est un mec qui est ultra gaucho, qui est... Ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Ah, ça explique des choses. Mais oui. Si tu veux, c'est le mec, il est anarchiste, mais il est vraiment anarchiste, quoi. D'accord. Et il a fait d'autres héros. Oui, il a fait V pour Vendetta, le film. Ah, c'est oui. Oh, ok. C'était tiré de son comics. Bah, moi, je l'ai vu alors. Il a aussi fait le comics de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. D'accord. Oui, il est bien ce film. Le film massacre totalement la BD. Il est pas si bien que ça, le. Non, si, j'ai bien aimé le film. Mais par contre, V pour Vendetta. Mais après. L'adaptation est comment ? Alan Moore désapprouve le film pour la fin, principalement. Pour des choses que je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ça, sinon on en est pour 3 heures. Okay. Mais voilà, donc c'est Alan Moore qui est aux manettes, qui est genre incroyable. Je crois le dessinateur, c'est Dave Gibbs, tout du genre. Sans doute. On te croit sur parole. Ça aurait pu dire n'importe quel nom. Non, parce que dans les comics, les dessinateurs, oui, c'est très général, important. Sont ultra importants. Comme dans les mangas ou genre de trucs. Alors, ce qu'il faut voir avant de rentrer dans l'histoire, ce qu'il faut voir avec Watchmen, c'est l'un de ses seuls projets de super-héros. Ce V pour Vendetta, c'est pas vraiment du super-héros. Donc, Watchmen, c'est vraiment le projet super-héros qui a mis fin à sa carrière de super-héros parce qu'après, il avait fait le tour, en fait, littéralement. D'accord. Watchmen a littéralement. littéralement réécrit la manière dont on écrit les histoires de super-héros. Ouais. Derrière, tout le monde a dit bon bah il a posé les bases, c'est réglé, on est obligé de faire comme lui si on veut à minima s'aligner sur l'offre quoi. Okay. C'est sorti avant Marvel et tout ça ou... Ah non, mais c'est sorti en même temps, mais genre avant il y avait une manière d'écrire. Ouais. Alan Moore est arrivé, il a fait bah maintenant c'est comme ça qu'on écrit. Et puis bah du coup Marvel et DC sont bon bah c'est comme ça qu'on écrit. Il a posé ses couilles sur la table. Voilà. C'est ça. J'ai envie de dire. C'est ça. C'était édité à la base c'est dans DC je crois. En fait c'est dans l'univers DC mais c'est hors continuité Batman etc. D'accord. Même si maintenant il y a eu un truc qui fait que c'est rattaché à Batman etc. Il y a toujours moyen. Sauf que c'est un peu de la merde. Donc il y a voilà donc en gros Watchmen c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire de héros et de super-héros qui ne devraient absolument pas être des héros ou des super-héros. D'accord. Ils sont un peu anti-héros. Ouais, il y en a pas mal. En fait, c'est, si tu veux, c'est Watchmen, on se retrouve avec un groupe de super-héros, de vigilantes, donc de gens qui n'ont pas forcément de pouvoir, à part un. Et en fait, ce mec-là s'appelle Dr. Manhattan. Et sauf que Dr. Manhattan est Dieu, en fait, dans l'univers. Ouais. Il a la puissance d'un dieu. D'accord. Voilà, il pose ses couilles. Enfin, les autres, ils font quoi ? C'est que vu qu'il a la puissance d'un dieu, il a la manière de réfléchir d'un dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il s'en bat un peu les couilles de l'espèce humaine, de la race humaine. C'est un personnage qui est, en fait, dans un univers où, quand Dr. Manhattan est apparu, il est utilisé par l'Amérique pour gagner la guerre d'Indochine. Ouais, tout ça. Il a quel genre de pouvoir ? En gros, il peut... Ouais, franchement, dans l'univers, il peut tout faire. En fait, il peut modeler la matière. Ok, oui. Voilà. Excusez-moi du peu. Voilà, à partir de là, voilà. Ok, d'accord. En fait, il voit l'univers dans sa forme subatomique. D'accord. Donc, il voit l'univers d'une manière quantique, d'une manière moléculaire. Il voit les atomes, ce genre de choses. Ah, j'ai une question. Pourquoi il s'appelle Dr. Manhattan ? Parce que c'est en référence au projet Manhattan de Einstein, qui a donné naissance à la bombe nucléaire. Parce que Dr. Manhattan est apparu suite à une expérience nucléaire. C'était un humain normal de base ? Ouais, c'était un humain normal de base qui a été transformé par une expérience militaire. Et ça l'a rendu Dieu. Okay. Lorsque l'expérience a eu lieu, ça l'a littéralement désintégré en entier. Il n'y a eu plus que son conscience qui est restée présente, libre dans l'univers. Oui. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, pouf, il est réapparu. Il s'est reconstruit de lui-même moléculairement. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc tu peux faire pareil avec ses ennemis ou pour devenir un être bleu. Ouais, il est tout bleu. Un être bleu. Il est d'accord. Bleu. Oui, il est bleu, il est tout bleu. Pourquoi il a choisi bleu ? Oh, non, je... Et voilà. Et donc du coup, sa seule conscience en fait, plus ça va dans les années, plus il perd l'attachement qu'il a au monde réel parce qu'il voit plus le monde réel comme nous on le voit. Mmh. Il est ultra détaché de ce monde-là. Le seul attachement qui lui reste, c'est en fait, c'est l'attachement, c'est le devoir patriotique américain. Ah putain, ah ouais, voilà. Ah mon dieu, c'est un film américain ça. Bonjour Mel Gibson. Ouais, mais en fait, de ce personnage-là, en fait, Alan Moore critique justement la position américaine du patriotisme, de l'armée, etc. Ok. Ouais. Et donc, à un moment, voilà, il se fait. Il subit une attaque médiatique, en fait. Tout le monde décide de ne plus croire en lui parce qu'il est trop puissant. Plus en Dieu. Non, mais c'est ça. C'est la perte de croyance de l'humanité envers Dieu. Ouais. Et en fait, il se prend du coup des attaques de partout et décide de partir sur Mars. Et à partir de là, c'est le bordel, quoi. En gros, parce que si tu veux, il servait d'équilibre entre, parce que c'est la guerre froide entre, c'est l'époque de la guerre froide. Ah oui, du coup, oui, il pouvait. Il servait d'équilibre en fait entre l'Amérique et la Russie pour éviter qu'ils s'entre-explosent. Et donc, quand il part de Mars, il part pour Mars. Et ben là, c'est bon. C'est la catastrophe. La Russie décide d'envahir l'Afrique. L'Amérique décide menacer de balancer les bombes. C'est pour ça que ça te plaît, non ? Ouais, non, mais c'est le chaos. Oui, oui. Et donc, en parallèle, en fait, on a une équipe de super-héros qui sont formés, qu'on appelle des vigilantes, qui n'ont pas de pouvoir, qui sont juste forts à casser des gueules. D'accord. on a ce quatuor où il y a un mec ultra qui est genre 10 fois plus intelligent que n'importe quel humain sur Terre. Ouais. On a un mec qui est l'archétype de Batman. Super. Okay. Une fille qui a un peu une Black Widow. Ouais. Et un dernier qui s'appelle Rorschach, c'est en fait un genre de Joker mais version gentil. Ça existe. D'accord. En fait, oui. Il a l'air très cool. En gros, un Punisher, mais version Joker, si tu veux. D'accord. Et voilà, donc on a ce quatuor-là qui essaye de comprendre, parce qu'au début du comics, il y a le cinquième, qu'on appelle le comédien, qui est genre une espèce d'enflure d'extrême droite, facho. Toujours les droites, voilà, hein, il viole des femmes, il les enfin voilà, c'est. Normal, non, je déconne, ne faites pas ça chez vous. Sous couvert de patriotisme, etc., encore une fois. Ah oui, carrément. Ah oui. Et donc, au début du comics, il est retrouvé mort chez lui, alors que le mec, c'est une montagne de muscles. Hein. Il donne un coup de poing dans le mur, il fait un trou dedans. Voilà. Donc il se fait retrouver mort chez lui et Rorschach décide de mener l'enquête. Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure qu'il y a quelqu'un qui décide de les éliminer un par un. Et soit en les tuant, soit en les éliminant du jeu. Par exemple, avec Dr. Manhattan, bah, il fait en sorte qu'il s'exile sur Mars. Ouais. Et donc voilà, on suit cette enquête là avec un mec maboule à la complètement jokerisé. Et voilà, et c'est genre une œuvre qu'il faut lire une fois dans sa vie parce que c'est. Ça fait deux histoires en parallèle du coup, ça fait l'histoire des héros parce que je vois pas le lien entre Dr. Manhattan et les quatre héros. Faut regarder le film. Ouais, j'ai vu le film, j'ai adoré moi. En fait, si tu veux, c'est que le lien se fait petit à petit en fait. Si tu veux, on suit des histoires un peu décousues ouais. Qui sont chacune de leur côté. Mm-hmm. Et en fait, au fur et à mesure du comics, elles se rejoignent vers une seule et même entité, vers un seul et même point. Et, ça casse des gueules. Ça casse des gueules. Évidemment, ça finit toujours comme ça. Toujours casser des gueules. Bah, en vrai, ça casse pas tant des gueules que ça à la fin. Parce que y a, voilà. C'est un happy end ? Pas du tout. Ok. Ouais, ça finit comment ? Le personnage qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est celui qui a le masque, tu sais, qui se. Rorschach. Rorschach, voilà. Il cherche le nom. À la fin, c'est vraiment l'anarchie, je présume ? Non. Alors, non en fait, je peux pas dire la fin. Oui, non, tu vas pas dire la fin, mais. Docteur Manhattan en a marre des humains, il fait tout sauter. Non. Pendant la guerre. À la fin, en fait. C'est genre un dilemme moral qui est absolument insoutenable pour les personnages et pour le lecteur. Mmh. Parce qu'en fait, il se retrouve devant un état de fait qui est mené par Alan Moore et par le méchant. Et en fait, on se retrouve à comprendre la motivation du méchant, pourquoi il a fait ça. D'accord. Et on se retrouve à dire, putain, ce qu'il a fait, c'est genre... C'est bien. Horrible. Ouais. C'est genre absolument horrible. Mais en même temps, s'il n'est pas fait, le truc aurait été encore plus horrible. Ouais. Par exemple, c'est comme si, pour prendre par exemple Thanos. Mmh. Ouais. Thanos, il fait le il claque le des doigts, ça tue la moitié des. Ouais, il détruit la moitié, enfin, il enlève la moitié de l'univers de Marvel, etc. Évidemment. Ouais, si. Sauf que, au final, tout le film te dit ce qu'il a fait, c'est mal, machin, mais en fait, le film ne répond pas au problème premier qui est la fin des ressources de l'univers à cause d'un surpeuplement. Mmh. Ouais. Et donc, on te dit que c'est mal ce qu'il a fait, mais on te donne pas de solution. Ouais. Là. Ce que fait Alan Moore, c'est qu'il te montre ce qu'il a fait, c'est moralement mal, mais en termes d'utilité, en termes de simple raisonnement logique, c'est bien. Ce serait pas un sujet de philo, ça, par hasard ? Je suis totalement. Ah, vous aussi, hein ? Ça te rappelle pas quelque chose, Thomas ? La philo est toujours là. Mais voilà, ouais, la fin, franchement, est incroyable. Et en fait, je sais pas si je peux le dire, mais... Non, tu le dis pas. J'ai plus envie de regarder, donc non. C'est pas du spoil en lui-même, mais c'est plus pour dire que l'une des grosses forces d'Alan Moore, c'est de montrer l'inutilité en fait de nos actions. En fait. C'est l'inutilité des actions qu'on peut faire et voilà. De voter. Je veux dire, peu importe ce qu'on fera... Peu importe, en fait, pas forcément enfin ça marche beaucoup dans celui-là, c'est que peu importe ce que les gens vont faire dans le comics, on te fait comprendre qu'au final ça sert à rien. Voilà. D'accord. Donc t'as fait un film, ça. Non, mais en fait, ça a pas d'utilité finale. En fait, on te montre que tout ce qu'on on te fait croire que tout ce qu'ils ont fait était utile, était important, était nécessaire, et à la fin on te montre en fait tout l'inverse. D'accord. Et en fait, on se retrouve. Je vais aller regarder, ça a l'air très cool. Ouais, on se retrouve. C'est clair. Je te conseille. Par contre, attention au film. Avec Avenger. Le film est très. Je vais plutôt lire le comics. Ouais, je pense. Le film est très fidèle, mais le problème, c'est qu'il manque de gros parties de scénario qui marche pas. Ok. Après, il reste sympa au niveau graphique, au niveau visuel. D'accord. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment la force. Niveau esthétique aussi. Ouais. Je me souviens de la première séquence, c'est le combat avec le comédien. Et ça, par exemple, dans le comic, c'est totalement différent. Ouais. Et voilà, donc c'est une œuvre majeure que, franchement, si vous voulez vraiment pas forcément lire des romans ou quoi, mais vous voulez quand même avoir le cerveau mindfucké, bah faut y aller. Il me semble qu'il avait fait Killing Joke. Oui, il l'a fait. Alors, c'est ça qui est intéressant avec Alan Moore, c'est qu'il a fait simplement une licence ultra populaire. Qui est Batman, Joker, avec ça, je connais. Killing Joke. Et en fait, c'est ce comics-là qui a fondé toute la mythologie du Joker. Okay. Et le comics fait 15-20 pages. En 15-20 pages, il a créé toute la mythologie de Joker. Et ça a créé en fait un. Le dernier ? Ouais. Ah, d'accord. En fait, c'est pour ça qu'il est bien. Ça a créé toute la base du Joker et tout ce qu'il va devenir plus tard. Et en fait, c'est ce en 15-20 pages, il a juste compris l'essence du comics et compris l'essence du Joker et il le dévoile en mode. Ouais. C'est simple. D'accord. Oui, il y a peut-être un truc que tu pourras m'expliquer parce que. J'avoue que j'y connais pas grand chose. Genre, les Jokers entre eux, et surtout le dernier Joker là qui est sorti, est-ce qu'il a vraiment un lien avec les autres ? Est-ce que c'est vraiment l'histoire du Joker en elle-même ou ça a été repris ? En fait, c'est ça qui est intéressant avec le Joker, et notamment par exemple avec. En fait, ce qui est intéressant avec le Joker, c'est que justement, tout le délire du Joker, c'est que. On peut avoir autant d'interprétations qu'on veut du Joker. Ouais. Le Joker, en fait, c'est par exemple une scène du Joker de Batman de Nolan. Mm. Il dit plein d'origin story. Ouais. Et il dit. Et en fait, on sait pas laquelle est vraie. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le Joker, c'est que son origin story n'est pas sûre, n'est pas certaine. Et c'est un peu. Quatrième mur, c'est que quoi qu'il arrive, le Joker il aura une origin story, on saura jamais trop, et il y aura personne qui pourra dire ça, c'est la seule et seule origin story possible. Ok, parce que c'est qui le créateur de base du Joker? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à la base, le Joker en fait c'était simplement un vilain lambda un peu grandiloquent de cirque en fait. Grandiloquent. Okay. Grandiloquent, enfin qui était fanfaronneur ou genre de truc. Et en fait, son truc principal, c'est qu'il était dans un cirque. D'accord. Et en fait, il faisait des trucs un peu psychopathe machin. Et en fait, il y a eu un gros engouement quand il est sorti quand il est apparu dans les numéros de Batman du public, et donc ils ont senti le filon d'or et voilà, ils sont partis. Exploitant. Bonne idée. J'avais juste une question. Tout à l'heure, tu disais que c'est Alan Moore, c'est ça ? Ouais. Ouais, qu'il avait un peu posé les bases du comics finalement. Mm. C'est-à-dire ? En fait, ce qui est intéressant dans Watchmen, c'est la construction des cases de comics. Ok. En fait, Dr. Manhattan étant un personnage qui peut modeler en fait la matière, mais en même temps voir le futur, le présent et le passé, et tout en même temps en fait. C'est compliqué de le dessiner. C'est compliqué de le dessiner en fait. Ouais. Et en fait, il a réussi à le faire. Ah ouais ? Ouais. En fait, il y a. Alors, c'est pas du tout du spoil. C'est en fait, il y a une planche. On a une planche et là en fait on a une page en fait. Voilà, c'est une planche et une page, mais en comics on dit une planche. En fait, c'est il y a genre par exemple 9 dessins, 9 bulles, 9 cases, et en fait elles sont mises dans un ordre précis, temporel, avec des dialogues particuliers. Okay. Et en fait on commence par la fin, après on a le début, après on a encore le début, après on a encore la fin, etc. Et en fait, plus ça va, plus on a un ordre chronologique qui arrive jusqu'à la fin, en ayant commencé par la fin. Et en fait, c'est très fluide, c'est très dur à décrire comme ça à l'oral. Un peu un Memento version comics. Ouais, on peut dire ça. Mais là, c'est bien fait. Quoi ? Non, ouais, cet enchaînement qui est assez bizarre à dire comme ça à l'oral, mais qui est en comics, en dessin, ça passe extrêmement bien. Surtout en fait avec les dessins de Dave Gibbs, si je dis le bon, qui sont assez colorés, épurés et très années 80-90, mais qui passent toujours très bien de nos jours. Et ouais, c'est en fait, on a genre de cette construction extrêmement peu commune pour l'époque, et qui en fait, qui a derrière les gens, ils se sont fait ah putain, on peut faire ça avec un comics en fait, et derrière tout le monde s'est roué dessus. Et en même temps, on a un enchaînement. En fait, on a un fil narrateur, un fil narratif qui est très très peu commun avant Alan Moore. On a vraiment des personnages qui sont complexes, qui sont tiraillés, qui sont humains. Alors qu'avant, on avait le super-héros qui était le surhomme, qui n'avait pas d'émotion, pas de. C'était Superman avant. Aucune faiblesse, ouais. Voilà, pas d'émotion. Aucune faiblesse, aucune. Voilà, non, pas. Ah. Bah, Superman, il y en a pas des masses. Hein, oui, mais avant, Superman, c'était juste de la propagande, il gagnait tout, one shot, c'était juste pour montrer la grandeur des États-Unis. Et là, avec Alan Moore. On... Non, c'est que je pouvais faire une transition avec pas d'émotion. Oh, c'est pour ça. Je voulais la faire, mais je voulais pas t'interrompre non plus, parce que c'est quand même intéressant ce que tu dis. Hein. Oui, très. Moi, j'adore. Non, je plaisante. Non, bien sûr, c'est intéressant. Mais pas d'émotion, tu vois. C'est parce que le prochain titre qu'on va écouter, c'est un match-up de Daft Punk. Donc, forcément, ils ont des casques. Donc, tu vois, pas d'émotion. Pop, pop, pop. Waouh. C'est okay. La seule transition que j'ai trouvée. Hein, donc, c'est un match-up. Peut faire mieux. Ouais. Bah, je fais en fonction des titres, évidemment. Comment je peux faire LSD, Daft Punk et Nine Inch Nails. Comment je fais une transition avec ça? En sachant que le match-up il s'appelle Psychedelic Punk. Quand on lit le Watchmen, on a l'impression d'être sous LSD. Hey, voilà, ça c'était donc, bien. Écoutons. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Ah, on a eu un petit bout du générique là. Pour reprendre, c'est toujours cool. D'ailleurs, en parlant de reprendre, tout à l'heure, on a parlé d'un comic, on a parlé de Watchmen, d'un comics, pardon. Watchmen, parce que c'est peut-être un comic aussi. Hein. Non, d'accord. Et faut savoir. Okay, c'est bon, c'est de la blague de merde, j'ai compris. Nous avons un message. Ah, on a Blade Runner 3737 qui nous dit coucouille. Qui es-tu? Décline ton identité, ouais. Je veux savoir. J'irai bon te papier, s'il vous plaît. En parlant de comics, comme je disais, il faut savoir que sur Indestar, toutes les deux semaines, il y aura une review comics, c'est ça? C'est ça. Qui s'appellera Indé Comics. Qui sera à l'écrit, évidemment. C'est ça. Et présenté par notre cher ami Thomas. Donc, tu viendras toutes les deux semaines. Non, il va écrire. Ça sera sur le site. Je suis désolé, mais ça se lâche sur le chat. Là. Qu'est-ce que ça dit? Alors là, c'est. Ça dit coucou. C'est Batman. Oui. Batman nous a écrit Bibit. C'est parfait. Qu'est-ce que j'aime, Batman? Oui, mais on a Batman. C'est Mickaël. Batman, non. Faut pas dire son identité. On le connaît pas. Qui est cette personne? Je peux dire bonsoir à un pote qui nous écoute aussi. Hein? Je peux dire bonsoir à un pote qui nous écoute. C'est lui, Blade Runner, machin. Non, c'est Nicolas. Ah, bah bonjour Nicolas. Bonsoir Nico. Bonsoir. Plutôt. Viens à la radio, s'il te plaît. Mais j'aime bien en plus. Ah bah oui. Eh ben reviens. Il y a un moment, il a fait le décor derrière. C'est vrai. Bah bon. N'oubliez pas du coup d'aller voir le review comics Indie Comics toutes les deux semaines approximativement. Ouais, c'est sorti. Le premier sortira sûrement dans une ou deux semaines. Oui, parce qu'il est débordé notre charte. Bah, vous savez. Les stages et tout. Là, ouais, c'est ça, il se pose tranquille. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire la petite pause comme des autres émissions. Le lundi, il y a Starter de 20h30 à 21h, suivi de Actu Solide de 21h à 23h, dont il y a moi et Jolan. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour Actu Solide. Nous n'avons pas pu mettre le podcast en ligne. Oh, c'est moche, vous m'avez pas vu tomber des flambis. Non, parce que. pour la vidéo, on la verra, mais pour le podcast, on le verra pas. Ah, bah c'est pas grave. Parce que ça saturait tellement qu'on n'a pas pu le mettre en ligne. C'est pas grave. Voilà, on gueulait trop dans l'émission, du coup, C'est pas grave. Ça m'étonne à peine. C'est toujours pas grave. Tant qu'on me voit gober des flambis, moi je suis content. D'ailleurs, j'en ai gobé qu'un, il m'en a gobé trois. J'ai gobé trois flambis en genre 5, 6, 7 secondes, je sais pas. Ah, ça va être beau. Tu peux prendre nos flambis lundi prochain? Tu veux me prendre en flambis? Oh non! C'est... Alors, on me l'avait jamais fait celle-là. Ça, c'est... Mais... En gros, tu te mets sur le ventre et je te fais couler du caramel. Oh. C'est une proposition. C'est à la canadienne qu'on appelle ça. Ouais. Oh. Non, et du sirop d'érable. La canadienne, c'est la poutine. Alors, on nous demande comment ça c'est, va. C'est une tante, la tante canadienne. Et bah, ça va. Ça va très bien. Ouais. Mais je sais pas. Ah, Fatih! Oh, il y a Fatih! Voilà. Fatih, le salam, les gens, le shalom, tout ça. Voilà. Ok. Quoi? Ouais. C'est bonjour. C'est bonjour. Voilà, bonjour. Bah, bonjour. Comment ça va? Tu dis pas comment ça va tant que tu t'es pas décliné ton identité, toi. Putain. C'était pas français. Mais je m'en fous. Faut lui réexpliquer le concept d'internet. C'est moi. Ah bon? Oui. Bah, Blade Runner. Ah bah oui. Mais c'est le film que tu vas nous présenter tout à l'heure. En fait, on se fait bail depuis tout à l'heure. Attends que tu vas nous présenter. Ah non, c'est moi. Bah non, moi tu veux le faire. Non, comme vas-y, vas-y. Je vais vous présenter un manga. Pour changer. Ouais, okay. Ouais, manga ça faisait longtemps, dis donc. Le jour où je vous présente un film. Ça pourrait être pas mal. Ça peut arriver, tout est possible. Tu peux nous présenter Doom. Doom ? Non, je rigole. C'est un jeu, ça ? Non, je rigole. C'est... D'accord. Ah, ça, c'est un film de Doom. C'est quoi le film t'as pensé ? Explique ta blague. Vous êtes sûr que c'est pas un jeu ? Non, c'est. Si, il y a un jeu, mais ils ont fait un jeu vidéo. Ouais, il y a un jeu vidéo. Mais il est pas terrible parce qu'il est pas le film. En 1980. Ouais, puis là, il y a eu un remake cette année. D'accord. Ok. Tu l'aimes bien ? Ah non, non. Non ? C'est très marrant à jouer. Bah, à jouer, oui. Tu désingues de l'extraterrestre. Oui, bah, ça c'est classique. Toujours tuer les extraterrestres. Non, je vais pas parler d'extraterrestres dans le manga Death Note. J'imagine que beaucoup de gens ici connaissent. Oui. Oui. Non. Je me suis torturé à regarder le remake. Non ? Eh ben, j'ai regardé le film, j'ai adoré. Ouais. Oh, j'ai... Non. Oui, bien sûr, on y croit. On va pas parler. C'est quoi ça, film On va pas parler du film. Ah. Le film, non, le film qui est sorti, c'est un film d'horreur. Je savais que j'allais faire polémique. C'est pas un film d'horreur. C'est un remake, mais complètement à chier. Voilà, c'est un remake que les Américains ont fait. Je sais pas, c'est sur Netflix, hein. Oui, ouais. Sur Netflix. Ouais. C'est de la merde. Oui, je le dis clairement. Commençons par la version bien. Oui, voilà. La version bien, et je vais vous parler du manga cette fois-ci, pas de l'anime. Vas-y. L'anime, je l'ai regardé, mais je sais pas, je trouve le côté psychologique et tout ça dans le manga, il se reflète plus. Je vais l'expliquer avec mes mots plus tard. Donc le mangaka, il s'appelle Tsugumi Oba. Mmh. Faut savoir que Tsugumi, c'est un pseudo, enfin c'est son pseudo, mais c'est un pseudo féminin surtout. Apparemment c'est courant chez les mangaka, ils prennent souvent des pseudos pour pas dire leur vrai nom. D'accord. Par contre ils prennent carrément des prénoms féminins. Pourquoi ? Bah je sais pas, c'est encore plus caché. Cool, va savoir ce qu'il fait la nuit. Hein. Non, je pense pas que c'est son délire. C'est bizarre. Je connais pas des masses. Hein. Je pense pas que c'est son délire. Je trouve ça cool, d'habitude c'est l'inverse, c'est les femmes qui avancent. Exactement, voilà. Je sais pas ce que c'est, tu as fait sur le chat, mais tu t'es fait spam ton message. Non. Sérieux ? Ouais. Par qui ? Le bot. Il t'a... Le bot vient de... Il t'a supprimé. Il t'a délété le message. Ne parle pas en majuscule, cela veut dire que tu cries. Ah d'accord. C'est une faute de frappe. Blade Runner vient de se prendre très cher. Voilà, tu es banni cette fois. Blacklisté. Fallait pas jouer avec moi. Le bot est de mon côté. Bon, mais... Peu importe. Death Note, il est sorti en 2007 en France. Il y a 13 livres. 12 pour l'histoire et un comment dire, c'est un spécial où que il révèle notamment le nom de L. Alors c'est pas le méchant parce qu'il est gentil mais il est un peu space. Ouais, carrément bizarre, hein, carrément. On peut dire. Mais c'est un génie aussi donc voilà. On le pardonne. Exactement. Et puis il est vachement classe. Moi j'adore. J'aimerais bien être comme lui. Pas m'asseoir parce que je peux pas le faire. L, il a une façon particulière de s'asseoir. Si vous voyez à la caméra, c'est ça l'avantage de regarder en live. Il s'assoit comme ça. Et sans les chaussures, je précise. Si t'y arrives. J'enlève le casque. Ça sent la connerie là. Ah, ça sent beaucoup trop la connerie. Tu veux que j'essaye ? Oh là là. Je sens que ça va finir mal cette histoire. Ah, ça va tomber par terre. Ça va être formidable. La dernière fois que une collègue a fait ça, c'est manger le bureau. Tu te rappelles ? La dernière fois qu'Amélie a fait ça, c'est manger le bureau. Ah oui, bah je suis comme ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Marguerite, je vais rester comme ça, tiens. C'est pour la souplesse. Ça le rend plus intelligent, ça, pour ça. Ah. Enfin, il arrive mieux à réfléchir. Mais bon, on va en parler. Position fœtale, quoi. Ok. Pratique. Peut-être, on va savoir. Faut savoir que ce manga, il a gagné le prix Peng. On connaît pas ce prix, évidemment, mais je vais vous expliquer plus ou moins. Tu vas nous le dire. Exactement. Jean-Mi. Freud. Oui, Freud, je vais te le dire. C'est un festival de manga à Munich. C'est en 2007, il a gagné le prix dès sa sortie en France. Voilà. Ok. Enfin, en sachant que le festival, il a vu le jour en 2005. C'est un prix basé sur quel critère ? Aucune idée. Et je sais juste qu'il y avait plusieurs mangas en concurrence et il a gagné. D'accord. Et tu sais pas du tout pourquoi, qu'est-ce qui a fait non. Que non. Je me suis pas renseigné plus que ça. D'accord. Je le ferai la prochaine fois parce que vous me posez des questions embarrassantes. On te pose simplement des questions, il fallait te renseigner, t'as dit. Ouais. Voilà, simplement. Je sais juste qu'il a gagné un prix. Et je trouve ça déjà bien. Même si je sais pas ce que c'est, au final, ça fait toujours classe sur le CV. Alors, pour la petite histoire. Light Yamagami, un lycéen tout à fait pas ordinaire, parce qu'il est vachement intelligent, il est vachement bon en sport. On pourrait dire c'est presque le lycéen parfait, hein, quand même. Grosso modo. Mais il se fait chier dans sa vie. Okay. Il se fait chier à mort, il était dans son lycée, voilà. Et par hasard, il va tomber sur un cahier qui traînait dans la cour. Bon, ça peut arriver, hein, enfin, je sais pas. Ça s'appelle jusque le là, Death un cahier Note. Dans un lycée, oui. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, ce cahier-là, il est pas courant quand même, j'aimerais bien le trouver. Ah non, surtout pas, il faut pas te le donner. Il s'appelle le Death Note. Du coup, il le feuillette, il y a des instructions en anglais. Et la première instruction qu'il y a, le nom de la personne qui est écrit dans ce cahier meurt. Voilà. Cher. Donc t'écris un prénom avec son prénom, nom de famille. Faut que tu penses aussi à, au visage de la personne. La personne meurt dans les 40 secondes d'une crise cardiaque. Alors, ouais. C'est un peu violent quand même. Ouais. D'une crise cardiaque ou alors il peut. Mourir d'autre chose. Il peut, alors, il peut choisir, non, je crois. Oui, voilà. Si t'écris juste le prénom, il va mourir dans 40 secondes. Après, si t'écris. Alors, il y a des combines comme ça parce qu'il y a plein de règles. Okay. Mais là, il va les. Pas les modifier, mais il va les combiner de manière différente. Par exemple, si t'écris d'abord un texte. Genre, il va mourir de cette manière-là, en passant par là, en faisant ci, ça, ça. Et après, t'écris le prénom à la fin. Et ben, par exemple, ça marche. Ok. Et ça va, il va mourir de la façon dont il a expliqué. Oh, ce serait bien si pratique. Et après, oui. Et s'il écrit. C'est, c'est génial. Il y a plein de petites combines comme ça qu'il va trouver. Genre, par exemple, aussi en déchirant un bout du cahier, il peut se le cacher quelque part sur lui. Alors, il le cache dans une montre, notamment. Et du coup, il peut écrire et ça marche quand même. C'est des petites combines, mais il est vachement intelligent aussi. Donc il a trouvé ce cahier. Au début, il croit pas, évidemment. Il croit pas que ça marche. Ouais, bon. Mais il ramasse le cahier quand même, parce que. Ouais, il se fait chier, alors au pire. Il dit c'est du bluff et tout, il va quand même essayer. C'est ça. Et il va faire ça avec une personne. Je sais plus si elle est célèbre ou pas. Enfin, une ouais, mais ça va marcher. comme par hasard, ça va tomber. Pouf. Oh. Oh, merde. Oups, la première boulette. Fois, je dis pas, ouais, c'est une coïncidence. Ouais, si, voilà, il pense que c'est une coïncidence. Du coup, il va réitérer l'histoire, mais avec quelqu'un qui va voir en direct, qui est pas sur le point de mourir. Donc, je crois que c'est un agresseur local, il va le suivre dans la rue, voilà, et il va le tuer. Voilà. Enfin, fin de l'histoire. Ouais. Et c'est là qu'il se rend compte que, ah bah ouais, je peux peut-être faire quelque chose avec ça, je peux peut-être changer le monde et faire en sorte qu'il devienne meilleur. Un monde où que la paix règne, où qu'il n'y a pas de méchants ou de tueurs, enfin, voilà. Du coup, il va se mettre à tuer tous les méchants, on va dire, tous ceux qui sont dans les prisons, tous les agresseurs, tout ce qui passe par la tête qui paraît négatif pour l'humanité, il tue. Voilà. Et genre, il peut faire que tuer ou peut faire des trucs Il peut faire des trucs comme alors, ça. Alors, je sais pas, genre, écrire de la nourriture. Faire quoi avec genre, un cahier genre, écrire de la nourriture, la nourriture, elle apparaît ou non? Ah, non, c'est, non. Que pour la mort. Il peut juste. Death Note, traduit littéralement cahier de la mort. Je crois que ça, je préfère que tu veux faire quelque chose. Je préfère un footnote. Un food note. Ouais, mort. Tu tues de la nourriture. Mais non, tu écris un truc et la nourriture apparaît. Ouais, j'imagine que t'écris un McDo, le McDo il apparaît. Bah, ouais, mais si t'apparaît juste le bâtiment, tu vois, t'es dans la. Si tu aimes bien la bouffe, tu regardes Food Wars. Oui, ah, oui. On présentera. Mais non, c'est encore pire oui. Parce que non, ça te donne tellement envie de manger. Ah oui, Super Size Me. Là, faut que tu manges en tant que sacrifice. C'est ça. Ça fait pas apparaître de la bouffe, c'est ça que tu voulais savoir. Du coup, par rapport ça tue dommage. À This Note, là, je crois qu'il y a, il y a un protocole pour se débarrasser du livre, il me semble, non? Oui, effectivement, mais ça, je vais pas l'aborder, vaut mieux regarder le manga pour ça. Par contre, je vais vous dire d'où est-ce qu'il vient, le This Note, parce que tomber par hasard, ouais. Oui, c'est un peu facile. Oui. Est-ce qu'on peut regarder l'animé sans lire forcément le manga? On peut regarder l'animé. Il est pas mal. Il est pas mal l'animé. Je suis moyen fan parce que ça. Le fait de l'avoir lu avant, ça donnait un côté vachement profond dans leur réflexion parce que j'ai pas eu le temps d'expliquer la suite. Je vais expliquer la suite parce que sinon ça va être le bordel. Vas-y. Donc Light, voilà, il a trouvé le cahier, il essaye, voilà, ça va le mettre bien, il va tuer des gens, voilà. Mais il va découvrir aussi que ce cahier il appartenait à quelqu'un avant, l'ancien propriétaire, c'était un dieu de la mort. Voilà, il s'appelle Ryuk, il ressemble. Il est un bon, dieu de la mort, un on va dire. Dieu de la mort, globalement, ouais. C'est pas grand chose. Je vous invite à regarder à quoi il ressemble, c'est vachement sympa. Il aime les pommes, ça c'est cool aussi. Il aime les pommes. Ouais, les pommes. Voilà, il mange des pommes, c'est tout simple. Et il fait des crises s'il a pas de pommes. Il se tord dans tous les sens, c'est assez marrant à voir. c'est un petit détail. Et. Ryuk lui explique qu'en gros, il l'a fait tomber accidentellement dans le monde des humains parce qu'il se faisait chier aussi. Voilà, donc t'as deux mecs qui sont chez, ils se disent on va tuer des gens, et puis voilà, fin. C'est ça. Mais les dieux de la mort, eux, ils ont des cahiers, enfin des Death Notes, eux, de base, c'est pour prolonger leur propre vie. Genre, ils écrivent le nom d'un humain, et comme ça, ils obtiennent la moitié de la vie de l'humain. Genre, s'il devait mourir à 60 ans, il obtient 30 ans. En le ok. Temps. Et là, ça marche toujours pour Ryu? Pour les humains, ce Death Note-là, non. Okay. Il appartient à Light maintenant, donc toutes les personnes qui l'écrivent, il n'y a personne qui obtient la vie. C'est du gâchis. D'accord. Du gâchis de vie. C'est. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre que lui peut écrire un nom? Oui. Et ça fonctionne? Si quelqu'un d'autre trouve le. Imaginons, il le fait tomber. Oui. Et quelqu'un d'autre trouve. Oui. Okay. Ouais, et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre touche le cahier. Il peut voir le dieu, parce que personne peut le voir, évidemment. Ouais. Sauf celui qui détient le cahier. Sauf celui qui Okay. Voilà, qui détient le cahier. Mais du coup, Ryu, il devient quoi? Parce que si c'est si le cahier lui permet de survivre. Il a un deuxième cahier. Ah. Parce qu'il a fait style au roi okay. des dieux de la mort. Oh, j'ai perdu mon cahier. Oh, il en a demandé un deuxième. Voilà. ça s'obtient comme ça dans le monde de la mort. Bah, tranquillou, tu vois. En sachant qu'ils sont vraiment chiés, les dieux de la mort. Hein, parce que vu qu'ils sont immortels et que. Comment dire, ils jouent à un jeu de les osselets, je crois. Ah oui. Ouais, ou à part chier, regarder quoi. Le monde des humains, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Donc voilà. Je comprends en même temps le fait que. Ouais, je dis, ah, vas-y, je te donne un objet, amuse-toi avec. Puis là, il croyait être choisi au début. Ah, tu m'as choisi. Non, non, c'est du pur hasard, mec. Okay. Ça l'a cassé direct, mais c'est assez drôle ce moment-là. Donc, il décide de tuer des gens, voilà. Son problème, c'est que c'est, comment dire, une tuerie de masse. C'est, bah, comment dire, c'est un peu illégal. Puis on rappelle que son père, il est flic, je crois. Oui, oui, c'est un grand commissaire, je crois. J'ai plus son titre, mais commissaire du Japon. Il doit se douter de quelque chose à un moment, non? Bah non, il se doute de rien, mais par contre, il va y avoir des enquêtes par rapport à tous ces morts. Ils vont découvrir qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un, ils savent pas encore, que bah, ça tue, enfin, ils savent pas trop ce que c'est au début. Mais voilà, du coup, il y a plein d'enquêteurs, notamment elle, qui est un enquêteur de renommée mondiale, c'est le premier dans le classement. C'est aussi le deuxième, je crois, et le troisième, je sais plus, mais sous deux pseudos. Il est très doué et il se fait appeler que elle. Personne n'a jamais vu son visage, personne connaît son prénom. Ce qui est un désavantage évidemment pour Light si jamais il a envie de le péter. Et c'est lui qui va se mettre en charge de retrouver la. Ryuk. Non, pas Ryuk. Ryuk, il a rien à voir. Lui, le détonneur du bouquin. C'est ça, mais ils savent pas encore que c'est un cahier, ils savent rien en fait. Ouais. C'est compliqué de partir de. En plus, je crois que. C'est un truc occulte en fait. Ce mec-là, je vais pas spoiler, mais dans le film, il mange des bonbecs genre pour. Oui, il mange beaucoup de sucre, ouais. Effectivement. C'est un point commun qu'on a. Voilà. Ça sera le seul qu'on aura. Ouais. Mais. Pour oui. Le spin. Oui, c'est vrai, il mange du sucre, il joue au tennis aussi, il est bon. Il était classé en. En Angleterre, et... on s'en fout, ça c'est des détails. Mais il le dit à Light parce que du coup, il va, comment dire, il va réussir à déduire que c'est une personne qui tue grâce au nom et grâce au visage, et il va déduire qu'elle habite au Japon et même précisément dans un département. Ah oui. Donc comment il arrive à déduire ça? Bah parce que par rapport au tout premier meurtre qu'il a fait, enfin au tout deuxième plutôt. D'accord. Donc c'est. Puis il va voir qu'il y a beaucoup de, comment dire, de criminels japonais qui vont être tués au début, et puis après, un peu plus loin, enfin dans les autres pays. Oui, donc c'est concentré. Des voilà, c'est ça, parce qu'il regardait la télé, Light, pour trouver les criminels. Et, donc forcément, il y a plus de japonais au comme Japon. Son père est gendarme. Exactement, voilà. Il peut dire que ça peut aider aussi. Quoi. Donc il va déterminer ça, il va partir au Japon, et il va atterrir pile poil dans le lycée où que Light est. C'est pas un hasard, évidemment, parce qu'il est soupçonné... Parce qu'ils soupçonnent les. Comment dire? Que la police soit impliquée là-dedans. Donc ils soupçonnent la famille de la police. Il est très fort, elle. Il a des déductions, enfin un esprit de déduction assez. Il est Sherlock Holmes. Ouais, c'est ça. Il est flic à part de la société, lui en fait. Qui ça? Elle? Non, ouais. C'est juste un enquêteur. Ah non, lui, il est pas flic du tout. C'est un enquêteur lambda en fait. Je dirais, il est tout le contraire d'un enquêteur. Enfin, d'un flic. C'est un détective privé. C'est ça. Ouais. On me dit dans les rayettes qu'en fait, il est retrouvé parce qu'en fait, il a diffusé une vidéo dans une région de Kanto. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est bon. Oui, il va diffuser, oui, effectivement, il va faire une annonce ou qu'il va se faire passer. Enfin, il va se faire appeler Kira. Qui veut dire tueur en japonais. Enfin, ça découle de killer. Enfin, voilà. Ok. Et oui, effectivement, il va faire une annonce à la télé sur une chaîne, je sais plus laquelle, mais voilà. Et oui, effectivement, il va en déduire ça. D'ailleurs, elle, il va le piéger pour ça. Ah. Il va mettre une fausse personne avec un nom, enfin un prénom, voilà, qui va passer à la télé. C'est lui qui va parler. Et genre, ouais, je vais le choper, Kira, Du coup, Light, il est énervé. Du coup, tiens, tueur, si tu vas me choper, hop, il écrit le prénom. La personne meurt. Sauf que c'était pas le bon L, donc c'était un criminel condamné à mort, donc voilà, enfin, les couilles. Voilà, voilà, deux pierres d'un coup. Mais c'est ça, mais L, du coup, il va déterminer comme ça plein de trucs grâce aux petites erreurs que là il pourrait faire. D'accord. Donc il va arriver au Japon, ils vont se rencontrer, en fait, ils vont être potes dans le lycée. C'est bon, ça. Ils vont enquêter l'un sur l'autre parce que Light, il a des soupçons, il sait que c'est L, il lui a dit clairement, moi je suis L. Voilà, enfin, assez badass le mec. Et L, il a des soupçons, il a genre, je crois que c'est 5% de soupçons que ça soit Light. Ah oui, c'est pas 100, c'est pas zéro, mais c'est pas 100. Enfin, c'est assez emmerdant pour lui. Et du coup, ça va être tout le manga va tourner autour du jeu entre qui va découvrir l'autre en premier, comment pas se faire découvrir quand c'est Light, comment cacher son identité. Mais pour elle, c'est plus facile. Voilà. Et Light, il a un but ou pas vraiment? Oui. Alors, il veut juste avoir un monde plus, comment dire, plus simple. Pas en paix, mais ouais, plus juste, plus équitable. C'est pas toi qui as dit ça? Mais... C'est qui qui a dit juste? C'est Thomas. C'est toi. Parce que ton micro était pas là, ça m'a fait bizarre. Voilà, un monde plus juste, et il voudrait devenir même le dieu de ce monde. Fur et à mesure. C'est un peu mégalo en fait, c'est pas alors, juste. Au début, on va dire c'est pas trop mégalo. D'accord. Au début, ça va. Par contre, plus on évolue dans le manga, et plus ça devient carrément mégalo et même psychopathe. C'est je veux devenir dieu, voilà, point barre, je tue des gens parce que voilà, je suis dieu. Ah, donc il va se mettre à tuer des flics, pas ceux qui enquêtent sur lui évidemment. Et ouais, bon, bah là, la justice, ouais. Bof. C'est moyen. Mais c'est assez cool. Okay. C'est assez cool comme manga. C'est très. C'est assez sombre aussi. Hein. C'est assez sombre, évidemment. C'est très psychologique. Enfin, ouais. J'adore le combat en fait entre elle et Light. Je pense que tous les fans de Death Note apprécient ce moment-là. Enfin, ces moments-là. Et ouais, franchement, je vous invite à le regarder parce que... Je vais regarder le manga, tu vois. Après avoir été déçu du film, enfin, du remake du film. Bah non, ne jamais regarder le film. Surtout pas, c'est... Ne commencez jamais par ça. Bah je sais pas, j'ai vu ça sur Netflix, j'ai fait « Oh tiens, ça a l'air cool et tout. » En vrai, j'ai regardé 5 minutes. 5 minutes du film, j'ai arrêté. J'ai vu Light, c'est genre un Américain dans un lycée américain. Je me suis dit « Non mais ils sont cons ou quoi ?» Ça colle pas du tout. Enfin, hop, au revoir. Donc non, il y a des films comme ça, comme Dragon Ball Evolution. Genre. Ouais, c'est Nation Console aussi, ils ont fait un remake. C'est ça. Pour... Magnifique. Voilà. Mais lisez les mangas, c'est pas mal. Il y a des live action japonais / coréens qui ont été faits de Death Note. Et en vrai, les gens sont plutôt contents de ces live action là. Ça vaut pas l'anime ou le. C'est manga. Quoi ce que t'appelles un live action? C'est faire l'anime avec des vraies personnes. D'accord. Donc, en gros, mais sauf que là, c'est fait d'une manière coréenne, système slash, D, japonaise, en fait. Donc, ça fait un peu très soap, enfin, feu de l'amour ou ce genre de truc. Ça colle pas avec. En fait, c'est intéressant à regarder parce que c'est marrant. Ouais. Tu peux te foutre de la gueule des personnages. Et c'est du nanar, en fait. Voilà. D'accord. Mais en fait, ça marche. C'est marrant. Ça marche et c'est marrant, mais voilà. C'est cool. Même mieux que. que le film américain. Ah bah oui, ça peut que être mieux de toute façon. D'ailleurs, news qui va faire chier beaucoup de gens, ils ont prévu un second opus. Non. Hades. Si. Death Note 2. Mais non, mais c'est pas possible. Ils ont le budget pour faire. Ils ont mauvais goût quand même. Je connais pas, je connais pas le Death Note 2 pour le coup, mais franchement, il y a beaucoup de mangas qui font des suites ou qui devraient pas. Qui font des suites, mais ils devraient pas faire de suites. C'est ça. Non, c'est terminé. Ils devraient même pas faire de remake, surtout déjà. Je vous dis pas comment ça se termine, parce que sinon c'est pas drôle. Mais. Ouais, nous dit pas. Ouais, franchement. La suite de Death Note, pour l'avoir vu à moitié, c'est de la sombre. Ça reprend pas les mêmes personnages. C'est caca. C'est avec le frère de Elle ou un truc du genre. C'était très profond, merci. Oui. C'est un. Nier. N, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Nier. Parce que c'est franchement nul. Elle, en fait, il vient d'Angleterre, il vient d'une maison de maison d'orphelins. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres orphelins, évidemment, dans cette maison. Si elle venait à mourir, d'autres orphelins reprendraient le pseudo de elle. En fait, elle ne meurt jamais. C'est une symbolique, grosso modo. D'accord. Et Nier, c'est un de ces enfants-là, avec... comment elle s'appelle? Il y a une fille aussi. Ah c'est un mec, mais qui ressemble à une fille. Dans le manga, ouais, j'ai eu du mal à voir Milo, je crois, Melo, voilà. Et ces deux-là, ils peuvent pas être elle vu qu'il y a déjà un elle, mais voilà, ils sont quand même assez badass aussi intellectuellement, voilà. Et donc du coup, oui, Nier va sans doute reprendre la suite de elle. On sait pas. Pour éviter que elle, je crois que j'ai spoilé là. Je crois. Non. En fait, c'est la suite, mais genre un peu anachronique, en fait. Ça a rien à voir. Ouais, c'est d'autres aventures, en fait. D'accord. Mais il est au courant du Death Note dès le début ou pas? Peut-être. Parce que quand même, à la fin du manga de Death Note, tout le monde est au courant que c'est un cahier de la mort qui tue, enfin voilà. Mmh. Oui, oui, évidemment. Lui, il doit être au courant, et je sais plus ce que c'est le plot twist. Parce que ça devient facile après de... faut pas chercher, c'est nul. Parce qu'une fois que t'as compris la logique, c'est un pouvoir divin d'un cahier... À partir de ce moment-là, c'est une enquête plus simple. Ouais. Parce que faut arriver à comprendre que... C'est un des gros problèmes de l'histoire, c'est que... Il faut arriver à faire le scénario. De combat, il n'y a plus trop d'enjeux de suspense. C'est vrai. Mais j'ai pas dit qu'elle mourrait de toute façon. Arrête de t'enfoncer. Ouais. Dommage qu'il n'y a pas le scratch, hein, t'as pas de chance. Ouais, on va mettre une musique, c'est bien. Personne avec qui danser. Tiens. C'est triste. Ouais, c'est triste. Bah, tout seul alors. Bah, c'est Agathe Bonin, à la personne avec qui danser apparemment. Voilà. Bah, écoute, dansons avec elle. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, j'aurais pas dit mieux. C'était un peu speed comme retour. Hein. Non, du tout. On nous voit pas du tout manger des brownies. J'en ai pas du tout dans la. On est revenu tel des flashs. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, back in the flash. Tu vas nous parler d'un film. C'est ton tour. Oui, c'est à moi. Aurais-tu un problème? Un problème technique de chaise. Ouais, non, j'ai voulu m'appuyer et j'ai glissé. C'est tout. Il a glissé, chef. C'est un fail. J'ai glissé, c'est le motif de ma sextape. Excellent. Très bien. Oui, alors j'ai choisi Blade Runner et c'est pas par hasard que je l'ai choisi. Parce que on est en novembre 2019. Oui. Et le film se passe en novembre 2019. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quand même ouf. C'est un film qui est sorti en 82 et donc. Ah ouais, il pensait le futur quoi. Et ouais, on est dans le futur. Comme la fin du futur, Morty. Bah, Morty. Morty, on est dans le futur. Le sauveur du futur. Sacré. Et on est proche ou pas? Petite web série à regarder sur YouTube. On est proche finalement. Le sauveur du futur. Non, on est très loin parce que il y a. C'est quand même. Une sacrée dystopie avec des voitures volantes. Bah comme Retour vers le futur. Ouais, Retour vers le futur, finalement. Ouais, mais Retour vers le futur, ça se passe en 2015. C'est encore pire. Ouais, voilà. Ouais. C'est encore pire. On a presque des overboards. Mais... Il y avait un mème là-dessus que, en fait, on n'a pas inventé les voitures volantes ni quoi que ce soit, on a juste inventé la perche à selfie. Ouais. J'avais bien aimé ce mème. Donc, c'est un film de Ridley Scott, sorti en 82, qui dure 1h57. Voilà. Ça va. C'est un très bon film. Donc on a du beau monde, on a du pour le film, on a d'abord Harrison Ford. Ah mais je le connais lui. Voilà, dans Star Wars. Qui est très connu pour Star Wars et Indiana Jones. Oui. Donc faut dire que ça a été très tendu pour qu'il soit pris dans le film parce que ça se passe en 82, donc t'as Star Wars qui commence en 77, t'as Indiana Jones en 80. Un acteur très demandé. Enfin, même en 80, t'as Star Wars 5 et 83 ensuite. Okay. La moitié du budget du film a été dans le salaire de l'acteur. Voilà. Tu déconnes? Ah ouais? Non, ouais. Ah, il est presque aussi riche que moi. Mais je dois pas être en être loin. Non, t'es pas loin. Sans déconner. Putain. Ensuite, Harrison Ford joue le rôle de Rick Descartes. Ouais. Qui est un Blade Runner, donc je vais expliquer ensuite. Ouais. On a Sean Young qui joue Rachel, et ensuite on a le grand Rutger Hauer qui joue le rôle de Roy Batty. Soit. C'est pas faux. Donc, qu'est-ce que t'as pas compris? En l'an 2019, les bas quartiers de Los Angeles sont noyés de pluie et envahis par une foule grise. Descartes, un ancien Blade Runner, qui est un policier spécialisé dans les rebelles humanoïdes ultra perfectionnés, habituellement cantonnés dans l'espace. Donc il est chargé de retrouver la trace de 4 d'entre eux qui se sont introduits dans la ville. Des humanoïdes qui font plus vrai que nature. Oh. Son seul indice pour les détecter, c'est ce qu'on appelle les réplicants, qui n'ont pas d'affectivité, donc pas de mémoire. Si tu veux, ils n'ont pas d'émotion, ils réagissent pas comme nous. D'accord. Voilà. C'est un film culte, ça, du coup? C'est un film culte? Culte, oui. J'ai envie que t'avais dit ouch. Moi aussi, j'ai hésité à réagir aussi. J'ai encore du brownie dans la bouche. Ouais, c'est pour ça. Donc Rick commence ses investigations par une visite à Tyrell. Tyrell, qui est le créateur de ces humanoïdes, et fait ainsi la connaissance de Rachel, l'assistante du savant. Il est invité à l'examiner. Descartes s'aperçoit à l'issue d'une série de tests. Je voudrais pas t'interrompre, mais il y a des petits sourires qui se passent. Oui. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Je sens tes respirations. Ouais. Il y a des titres qui se passent. Descartes s'aperçoit à l'issue d'une série de tests qu'elle est elle aussi une réplicante, mais d'un type encore plus élaboré que les autres. Fasciné, l'enquêteur ne tarde pas à tomber sous son charme. Ah. Voilà, mais on a quand même à côté toute l'histoire des réplicants. Qui cherchent quand même à s'humaniser, enfin. Non, à vivre plus longtemps parce qu'ils ont une capacité de vie de 4 ans. C'est moche! Ouais. Et ils ont quel âge quand ils sont créés, finalement? Ah, ils sont créés adultes. Ok, ils sont censés. D'accord. Ils sont censés travailler pour les humains dans l'espace. Et développer une conscience et l'envie de vivre, quoi. Voilà. Ouais, mais ça les rend humains quand même, un peu. Et non, alors je sais plus comment s'appelle le test. Je sais plus si tu t'en souviens, Thomas. Et en fait, il pose une série de questions. T'es mauvais si tu t'en souviens Thomas. À un homme. Et ce test a un nom, alors je l'ai peut-être noté. C'est inspiré d'un test qui existe vraiment en plus. Ah, tu l'as le test ? Il se passe quoi ? Non, mais je peux te dire la réponse. Continue, certain Google va nous donner la réponse. Oui. Non, mais je peux te dire les questions qui sont à peu près. Les genres de questions qui sont à peu près données pour savoir si en fait tu es un réplicant. Ah, je veux bien le faire. C'est pour savoir comment tu réagis et quelles sont tes émotions. On calcule tout ça avec un ordinateur. Ah, c'est alors, dommage. Ouais, on lit vraiment. Ah oui, les mouvements de visage. Non, les mouvements de tes yeux. Bah, d'accord. Oui, okay. C'est qui sont sur le très visage. Gros plan. Oui. Et le genre de question qu'il pourrait y avoir, c'est vous êtes dans le désert, il y a une tortue, vous la mettez sur le dos. Pourquoi vous faites ça? Ce genre de choses. Dans la vraie vie, ça s'appelle le test de Turing. Ah ouais, c'est le test de Turing. Mais je connais. Ok, mais alors dans le film, c'est un autre nom. Je le connais complètement, mais je sais plus pourquoi. Je l'ai vu en philo en plus l'année dernière. T'as été en philo, dans la réalité, c'est un test qui permet en fait tout simplement de s'assurer, de savoir si une IA a une conscience ou pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est très porté sur. Oui, donc les j'étais en bac L l'année dernière pour te répondre. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais bac L. Mais j'étais en bac L spémat. C'est-à-dire que j'étais sadomaso. Ma frangine était en bac L aussi. T'as été en bac L aussi? Non, ma frangine. Ah. Ouais, mais elle est jolie d'ailleurs, ta frangine. Oui, elle est en master aussi. Et alors, ça change pas. On dit bonjour à la sœur de Jolène. Et on critique voilà, Voicecamp. Ah, elle est très jolie. Okay. Merci Thomas. Donc, faut savoir tout d'abord que le film est librement inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, écrit par Philip K. Dick. Ah, mais je connais. Oui. Tu connais ? J'aime bien la phrase. Alors, j'adore le titre. Ouais. Je l'ai pas lu, mais si tu veux, je peux te le prêter. Ah, mais carrément. Et je vais avoir des trucs à lire avec vous deux. Non, mais il est vraiment super. Ah, carrément. Donc, l'auteur, il a visionné les 20 premières minutes du long métrage avant sa mort en 82. Il déclare que l'œuvre reproduit très fidèlement sa vision. Pour une fois qu'un, ouais, pour une fois qu'un auteur est content de l'adaptation. C'est clair. Ouais. C'est vrai que c'est pas con. C'est cool. C'est à cause des réels, ça, genre. À cause des. Des réels. Ah, je plaisante. Oui. Je vous tacle un peu. Ouais. Alors pendant des mois, Ridley Scott échange avec Dustin Hoffman. Je sais pas, vous voyez qui c'est ? Bien sûr. Oui. Ouais, ok. J'ai bien le bien sûr. J'ai senti l'ironie. Ouais. Qui est son premier choix pour interpréter Rick Descartes, mais leur vision du personnage est si opposée que le réalisateur finit par rapprocher d'autres comédiens parmi Nick Nolte, Jack Nicholson ou encore Sean Connery, le premier James Bond. Tout ça. Ouais. Sous les conseils de Spielberg, qui venait tout juste de terminer Les Aventuriers de l'Arche Perdue, il embauche Harrison Ford. Ah oui, la classe. C'est une très bonne idée. Très bon conseil, ouais. Pour le coup. J'aimerais bien avoir son salaire à lui. Ouais. Ouais, il est presque aussi sérieux que moi, en plus, ce con. Donc, appréciant son travail au cinéma, Ridley Scott engage Rutger Hauer pour interpréter le rôle du réplicant, ouais. Roy Batty, sans l'avoir jamais rencontré. Un choix approuvé par Philip K. Dick lui-même, qui le trouvait parfait pour le rôle de l'androïde. Il a pas rencontré l'acteur ? Avec sa froideur aryenne. Non, du tout. Ouais. Non, il a juste vu son travail. D'accord. Donc Hauer improvise une bonne partie de ses répliques dans le film, dont la fameuse tirade des larmes sous la pluie de la scène finale. Mais vraiment, c'est un monologue. Il n'y a pas plus beau monologue dans le cinéma, je pense. Même Thomas ? Même Thomas. Quoi ? Si on a ça fait longtemps que j'avais pas emmerdé. On a le monologue d'Otis dans Mission Cléopâtre, si vous voulez, mais c'est autre chose. Vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ah oui, voilà. D'accord. Okay. Donc on a 10 ans plus tard, en 92, on a Blade Runner et la toute première production hollywoodienne a bénéficié d'une version du réalisateur, donc un Final Cut. Une pratique beaucoup plus répandue aujourd'hui. Un final cut ? Ouais, un final cut, c'est au montage. C'est le réalisateur qui a le dernier mot en fait sur le montage. C'est lui qui le fait. D'accord. Je me trompe pas. Pas le producteur, c'est ça. En gros, normalement, c'est le producteur qui a le dernier mot parce que oui. c'est lui qui a les thunes. Oui, voilà. Mais dans le final cut, c'est le producteur qui fait « Ok mec, je te laisse choisir, c'est ton film. » C'est cool. Et ça se fait de plus en plus, ça ? Ça se fait... De moins en moins. Dans les éditions DVD, maintenant, en général, on peut avoir une final cut assez facilement. D'accord. Mais au cinéma, c'est plus froid. C'est encore hésitant. D'accord. Et c'est quoi vous que vous préférez comme ça, petite aparté? Ah, moi, c'est le Final Cut. Je préfère avoir la version du réalisateur. Que version que, producteur. Ouais. Ça paraît logique en soi. Après, hein, après, ça dépend. Par exemple, si on regarde dans le film Dune. Ouais. Dune a deux versions en fait, une version réelle et une version prod. Et la version prod en fait a de très bonnes, très bons points positifs. D'accord. Alors que la version réelle souffre de gros points, mais en même temps a d'autres points positifs. Ça dépend en fait du prod. Mmh. Si ton prod il est honnête, ça peut passer. Moi, sinon, je vais te dire pourquoi je préfère le Final Cut de Blade Runner. Dans la version Final Cut de la production, si tu veux, c'est un happy end. D'accord. Et c'est un peu too much. Franchement. Mmh. Okay. Et dans la version Final Cut de Ridley Scott, c'est une fin ouverte. Avec. Tu spoiles pas parce que. Non, je spoil légèrement, mais on voit nos deux personnages partir tout simplement avec une licorne en origami. What? Ah oui, bah c'est n'importe quoi. Non, un nuage licorne. Avec un arc-en-ciel. Oui, avec Nyan Cat. Voilà, bon, j'ai tenté de chercher son salaire, mais je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé seulement Star Wars. Ah, ouais, c'est quasiment le même que le mien, hein, de toute façon. Voilà. Quelque donc, chose quand, quand on visionne le film, moi, c'est vraiment une question aussi que je me suis posée, c'est à savoir si le détective Rick Descartes, si c'est un réplicant ou non. Mm-hmm. Donc la question a soulevé bien des débats. Ah. Moi, je vais pas vous le dire. Je le sais. Oui, je le sais. Et puis même Ridley Scott l'a dit. Et je vais pas vous le dire, sinon c'est pas drôle. On aurait qu'à regarder. Franchement. C'en est un. Ça se sent dans ton regard. Bah, je vais pas vous dire. Vraiment. Ouais, dis-le pas. Après, ce qui est intéressant avec le film, c'est que, alors même qu'il y a la réponse de Ridley Scott, donc le réalisateur, ça reste une fin ouverte parce qu'en fait, c'est une preuve d'un film qui n'appartient plus à son réalisateur mais au public. Et c'est le public en fait qui débat de cette question-là. Oui, c'est pas de fin en fait. En fait, l'avis du réalisateur sur cette question-là n'est qu'un avis et fait pas figure d'autorité. D'accord. Ah ouais, c'est un débat sans fin. Oui, ouais. C'est cool, ouais, c'est sympa. J'aime bien genre. Moi je suis sûr que tu penses que c'est. Ça s'en éteint. Oui, ça se voit dans ton regard. Éteint, ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il a le même. Mais ça se voit dans son regard. Je peux pas ne pas le voir. C'est flagrant. Donc Harrison Ford lui confie avoir joué le personnage comme un humain en se fiant aux directives du réalisateur. Je suis team humain perso. D'accord, vous voulez une révélation? Allez, ouais, révélation, allez. C'est parti. Mais en entrevue avec le magazine Wired, Ridley Scott confirme que Descartes est bel et bien un androïde. Yeah. Il a d'ailleurs ajouté un épilogue à la fin de son Final Cut pour dissiper toute ambiguïté. J'étais sûr! Je le savais, ça. Le fait est que ça reste un. En fait, c'est vraiment, ouais, comme je disais. Au final, c'est juste un avis. Ça, oui, ça, voilà, c'est lui, il s'est dit, tiens, je vais faire Ridley Scott en tant que dit, mais c'est pas une vérité absolue. Nous, oui, voilà, on peut très bien l'imaginer comme un humain. Il y a des comportements qui font qu'on peut croire que c'est un humain. Bien sûr. Oui, bien sûr, énormément. D'accord. C'est vraiment ça l'intérêt du film, c'est que t'es plongé dans une confusion. Mmh. Et c'est moi, cool. C'est ça que j'aime bien au final, c'est ne pas savoir s'il est vraiment un humain ou pas. Oui, c'est sûr. Ah, du coup, ce film-là, faut que je regarde dans quelques mois, histoire que j'ai oublié ça. Comme ça, je vais. Je peux te le prêter, voilà. Si tu veux en le fait, regarder aussi. Même en sachant que c'est soit un réplicant, soit un humain, ça change pas en fait le. Ah, mais c'est pour la trame principale de l'histoire, la chose qu'il doit faire, c'est retrouver des réplicants. Okay. Oui. Cela encore, c'est un film au final très philosophique avec des questionnements moraux, etc. Donc. Il y a beaucoup de philosophie. C'est un peu une émission aujourd'hui, ce philo. Hein, quand même, ouais. Hein. Ouais. Ouais, je trouve ça pas mal. Il dit ça parce qu'il est là. C'est ce... entre, que d'habitude, c'est pas une émission philo. Entre Death Note, Watchmen, Blade Runner, et ainsi de suite, c'est quand même des œuvres qui sont très portées à la philo. Ouais. Hein. C'est vrai. Death Note, bon, j'en avais pas parlé, mais il y a tout le côté religieux, croire en Dieu, tout ça. C'est assez. Bon, mais bon. Donc le film, il a été lancé la même fin de semaine que E.T. l'extraterrestre. Et pour Blade Runner, ce fut un échec commercial, malheureusement. Ah bah ouais, pas de bol. Donc, critiques de l'époque sont mauvaises, le qualifiant de cérébral et de contemplatif. Et le remake, au fait, il a été bien accueilli ou pas? Quel remake? Il y a pas eu ça n'existe pas. Mais il y a pas eu un remake? Non, il y a eu. Non, il y a eu une suite. Il n'existe pas. Ouais, je suis sûr qu'il y a eu un 2, non? Il y a une suite qui s'appelle Blade Runner 2049 et c'est Denis Villeneuve qui le réalise. C'est trop. Alors moi, ça m'a plu. Mais le seul bémol que je trouve à ce film, c'est qu'il dure trop longtemps. Ok. 4 heures. Bon, si c'est que ça, ça va. Non, il dure 2h30. Ah oui, quand même. Ah, ouais. C'est plus long, ouais. Ça fait un film long, ouais. D'accord. Après, il y a l'esthétique de fou aussi. Ouais, voilà, il y a un étalonnage et l'esthétique est ouf. La lumière est ouf. Okay. Ryan Gosling est ouf. Il y a Ryan Gosling dedans ? Ouais, il y a Ryan Gosling. Oh. Et ce qui est bizarre, c'est que si Descartes est un androïde, on le verrait pas en 2049. Et pourtant, on voit toujours Harrison Ford, on voit toujours Rick Descartes dans 2049. Ah, c'est pas. Alors pour moi, c'est pas un androïde. Ceci, voilà, ils ont trouvé un moyen qu'il vive plus longtemps. Voilà, on sait pas ce qui se passe à la fin du 1. On le voit s'échapper avec Rachel. D'accord. Qui sait ce qui a bien pu se passer. Mm-hmm. Rachel, l'androïde. L'androïde. Oui, je sais, où qui tombe follement amoureux. Mais ouais. Je sais pas pourquoi, quand on me dit Rachel, je pense à Rachel Dawes dans Batman. Toujours. Pas la même. Ça me perturbe. Ouais, non, rien à voir. Mais... Ah, après, tu me dis si j'ai tort, Galan. T'as tort. c'est une œuvre qui est quand même pas mal fondatrice du genre cyberpunk au cinéma. Oui, ouais. Si, carrément. Et... Parce que t'as tous les costumes, la musique. Le cyberpunk, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait c'est dans un futur d'anticipation un peu pas post-apo, mais en gros toutes les sociétés privées genre Google etc ont pris le pouvoir des États, donc c'est à dire que c'est eux qui régissent la vie de nous en fait, de la vie des citoyens. Il y a plus d'État, il y a plus que des super compagnies privées, et c'est en général des films qui sont très pessimiste sur la politique etc. Après, c'est un des genres du cyberpunk et c'est justement Blade Runner. Tu n'as pas tort. Tu peux donner des exemples de films? Tu penses auquel? Moi, j'ai pas un film à vous donner. Il y a Blade Runner, un jeu sur Netflix. Il y a comment il s'appelle le truc qui est très inspiré Blade Runner, j'ai oublié. Merci Thomas. Ouais, enfin bref. Par contre, il y a un jeu qui va sortir là. Cyberpunk 2077. Exactement, avec Keanu Reeves dedans. Ouais, ça c'est ouf. Après, c'est vraiment un genre du cyberpunk, ça, le Blade Runner. Il faut savoir qu'il y a un manga qui s'appelle Blame. Je sais pas si tu connais. Non, je le connais. C'est l'autre facette du cyberpunk. C'est au lieu que ça soit un truc ultra technologique, etc., c'est quelque chose qui, au contraire, montre une technologie très organique, très dégueulasse, très. Et Blame est une œuvre assez majeure dans les mangas et dans le style du cyberpunk. D'accord. Et allez voir ce style. Oh, c'est cool. Ok. Ouais, ça me fait penser juste à un truc. Tout ce qui est punk, en fait, c'est toi qui me le fais découvrir. Tu m'as fait découvrir le steampunk. Maintenant, le cyberpunk. Il y a quoi d'autre en punk que tu vas me faire découvrir? Il y a tellement de styles qui finit par punk, en vrai. Attends, punk, ça va partout, en fait. Ouais. Ça. Ah, mais tu finis avec Blade. Voilà. Oui, j'ai fini. Je dis juste qu'il est très bien noté sur IMDB. Je me fie à IMDB, en tout cas. D'accord. Ah, il a une ton absinthe t'amuse de 8 sur 10. Ouais, c'est une jolie. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Non. Ouais. C'est bien. Ça me fait penser. Oh non. Non, je vais pas. Je tente pas la transition. Non, voilà. Ça va. Non. Je vais juste vous dire le titre. Point barre. Ah. Pas de transition. Je le fais brut. On va écouter Radioactive, une reprise de Yannick Thibault. Enfin, non. Yannick Thibault a repris Radioactive de Imagine Dragons. Voilà, ça marche mieux dans ce sens-là. Ça marche mieux dans ce sens-là. Allez, je suis bon. On va y arriver. Jusqu'à 23h. Effectivement, avec les Peck Avengers, le jeudi de 21h à 23h. Vous pouvez nous regarder en live sur le Facebook indestar.fr. On est aussi. Ah oui, merde. Ouais, c'est pareil. Alors, sur le Twitch, on est en live. Ouais. Voilà. Accessoirement. Oui. Et vous pouvez nous écouter aussi sur le site Indestar. Vous pouvez nous envoyer des messages aussi sur le chat. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitch, comme le fait déjà notre cher ami Batman, Blade Runner aussi, qui a été... qui a été supprimé, clairement, voilà. Sans fois ni loin. Le bot a été sanglant avec lui. C'est ça. Vous pouvez aussi nous appeler au 09 70 407 306. C'est ça. C'est la première fois que je disais les trois chiffres en même temps. Ouais. D'habitude, j'ai 40, 73. Moi, ça fait un an que je suis là, j'arrive pas à le retenir, le mur. Hein. Moi non plus. Et vous le voyez pas, la caméra, on l'a inscrit au mur. Les yeux. Voilà. Et moi, je le connais pas sur ce numéro-là. Oh. C'est bien. Et ça. Tu connais les podcasts aussi, alors? Par cœur. Bon. Les 20. Voilà. Bah, vous pouvez aussi nous retrouver sur une vingtaine d'applis de podcast. Donc vous avez aucune excuse pour pas nous écouter, évidemment. Je voulais réécouter, genre c'est sur lesquels? Notamment Spotify. Le plus connu sur Spotify, tu tapes Indestar. Voilà. Sinon Indestar.fr. Mais j'ai pas Spotify. Indestar.fr. Alors, sinon tu vas voir directement sur le site indestar.fr. C'est ce que je fais généralement quand j'écoute. Je veux te voir gober des gens. Ah, c'est magique. Un podcast que tu pourras pas le regarder, tu pourras peut-être écouter, mais... Est-ce que tu peux revoir les visuels alors? Oui, parce que il se trouve que notre chère Amélie après oui, c'est Amélie qui a attention à ce que tu dis, il y a son frère qui est juste au bout de la table. Oui, c'est grave, on peut le... Ah bah attends, que je me lève, c'est bon. Amélie a pris une vidéo avec son téléphone. Donc cette vidéo, il faut qu'on la chope quelque part. Elle sera diffusée bientôt. Exactement. Sur Facebook. Et vous me voyez les dégommer au concours de gobage de flambi. D'ailleurs, je lance un défi, les gens. Si vous voulez me défier au gobage de flambi, je me suis découvert une passion. Moi, je veux bien, moi. Pas de justement, problème. Ce sera un prétexte pour qu'il nous appelle. Non, moi, je veux pas. Ça me... ah, c'est un prétexte pour manger des flambis après. Ouais. Pour prêter. Simplement, tout simplement. J'aime les flambis. J'ai l'habitude, en fait, pas de les gommer, mais j'en mange plein. C'est sûr, moi, c'est la vie. Pendant le record, moi, j'ai eu le temps d'en manger qu'un. Il en a mangé deux et il me l'a mangé mon deuxième flambi que j'ai pas eu le temps de manger. Du coup, il en a mangé trois. En fait, ouais, je vous ai expliqué. On avait tous deux flambis. Il y avait moi, Jolan et Anaïs. On avait deux flambis, fallait les manger le plus vite possible. C'est ça. Bon, bah, enfin, tu le gobes. Manger, non, fallait les gober. Oui, les... bah, pff, c'est pareil. Oui, oui, les manger aussi. Les manger le plus rapidement, tu le gobes. Mon voilà. Dieu. Et tu t'as pas mal au ventre après? Jamais. Non, bah, moi, surtout pas avec des flambis. J'ai fait dégueuler, moi, je te le dis. Hein, oh, ouais, ça va. Mais je peux pas, c'est gélatineux, là, tu secoues le machin, ça bouge tout seul. Comme de la gélite. Ouais, j'aime quand ça bouge. Yes. Bon, allons-y. Ah oui, allons-y, allons-y. Ouais, enchaînons. Oui. Petite référence à Dr. Who. Alors, Jolan, c'est ton tour. Ouais. D'habitude, tu commences, mais là, tu finis presque. Je termine presque, ouais. Presque. Si, non, des fois, on m'oublie, des fois, on pense à... Ouais. Alors, Marguerite, on va faire... tu vas nous présenter un jeu, et un jeu mythique en plus. Ouais, un jeu qui est assez connu, Skyrim, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Non. Oui. Pas du tout. Si. Certains d'entre du vous ont y joué ou pas? Ouais, carrément. Des grosses heures. Ouais. De 200 heures sur Steam. Bah, je suis à 200, ouais, 200 et quelques heures au tout. Je compte pas les heures. Oui. Quand on aime, on compte pas. Ce jeu-là, en gros, si vous voulez, ça, c'est un monde médiéval. Okay. Donc tu peux incarner toutes sortes de personnages. Il y en a tellement que... Ouais, il y a plusieurs races, tu peux choisir. Il y a plusieurs races, tu peux prendre... Bon, les plus connus, tu peux prendre les nordiques, les elfes, dans Skyrim, les orques. Parce que c'est un peu référencié au Seigneur des Anneaux, si vous voulez, je trouve. C'est cool, ça. Enfin, je trouve l'histoire est un peu référencée. Ouais, c'est pas faux, il y a un peu de... Ouais. Et puis c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment... Malgré qu'il y ait quelques bugs encore, c'est vraiment magnifique. Oui, moi, ce qui m'a scotché sur ce jeu-là, c'est le paysage. Tout ce qui a été fait côté graphique. Puis le fait qu'il y ait une grande map aussi à découvrir, c'est un monde ouvert et c'est génial. Ça, c'est génial. Ouais. Même si les graphismes sont datés, il y a une patte artistique qui rend le truc inaltérable au niveau de l'histoire. C'est ça. Et moi, perso, j'y ai passé des heures, je me suis jamais ennuyé. Il y a des jeux en solo, au bout d'un moment, c'est monotone, tu te fais chier. Mais là, j'y ai passé 200 heures. Effectivement. Donc, c'est pas rien. La quête principale, elle est plutôt rapide à finir, je trouve. Je l'ai signé en 2 semaines environ. Bah, donc, elle est rapide, mais en même temps, on n'est pas obligé de la faire. Oui, on n'est pas obligé de la faire parce qu'il y a tellement en fait de quêtes annexes que jeu est tellement long à finir à 100%. Je l'ai même pas encore fini à 100%. Ouais, c'est compliqué de le finir à 100%. Il faut le recommencer plusieurs fois de toute façon. Fun fact, j'ai jamais fait la quête principale. Ah ouais, t'as jamais fait la quête principale. Oh le chèque, ouais. Je trouve ça tellement plus intéressant de faire tout le reste. C'est vrai. Mais après, la quête principale, moi je t'avoue, quand je l'avais terminée, j'étais un peu déçu. Du coup, je me suis plus amusé à faire les quêtes annexes que... Bah, moi je trouve ça bien en fait que l'histoire principale, elle est pas si longue que ça, mais comme ça, t'as plein d'autres contenus en fait. Ils ont fait une histoire principale, voilà, mais après ils ont fait plein d'autres contenus, donc ça enlève rien au jeu en fait, c'est pas si gênant que ça. En gros, on incarne, je reviens dans le contexte, on incarne un personnage et tu es le... Comment on appelle ça le... Un prisonnier. Ah oui, le Dovahkiin. Le Dovahkiin, voilà. Un enfant de dragon. T'es un enfant de dragon et en fait, ton rôle à toi, c'est de tuer les dragons. Tu dois détruire tous les dragons qui sont dans ce monde-là. Et pourquoi ? Parce qu'ils détruisent le monde. En fait, ils sont méchants, ils attaquent tout le monde. Bah, surtout un, en fait. Et surtout un qui s'appelle Alduin. C'est ça, il ressuscite les autres dragons. Il ressuscite les autres dragons. C'est pour ça que c'est le bordel, du coup. Ah, l'enfoiré. Ouais, oui, comme on dit. Totalement. Et c'est le boss de fin. Et d'ailleurs, j'en ai chié pour le tuer à la fin. T'as Mirac. Hein. Oui. Mais il peut pas s'auto-ressusciter. Comment ? Il peut pas s'auto-ressusciter. Ah non, pour non, il peut le pas, coup, effectivement. Okay. Mais c'est vraiment très immersif comme jeu. Même la musique du menu, elle est incroyable, je trouve. Oui, c'est des gospel, c'est ça quand ouais, je crois. C'est des airs nordiques de base. Enfin, oui. C'est d'inspiré d'airs nordiques. Et donc, clairement, dès que t'es dans un paysage... paysage lointain, enfin où t'es perdu dans la nature. Ça ouais, et puis il y a toute la culture aussi, l'écriture et tout ça, l'écriture nordique. C'est C'est complexe. Ce qui est marrant dans le jeu, bon, du coup, c'est un monde ouvert et tu fais un peu l'aventurier. Ouais, qui s'appelle Bord de Ciel d'ailleurs. Ouais, qui s'appelle Bord de Ciel. La terre des Nordiques. Ouais. Et des fois, tu y réfléchis à deux fois avant d'aller attaquer des bestioles. Genre, tu vois. À un moment, j'étais genre level 5 ou 6. Je me suis dit, oh, il y a des géants là. Il a attaqué les géants. Je me suis pris un coup de massue, je me suis fait éclater. Oui. Donc, faut faire attention. On va pas dire que c'est le problème des mondes ouverts, mais parce que c'est pas un problème en soi. Mais les mondes ouverts, faut faire attention, généralement. Ouais. Parce que des fois, tu tombes sur des zones. C'est ça, ou à un moment, par exemple, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, j'avais fait un bond sur mon siège parce que ça m'avait fait peur. J'étais sorti de mon sentier, je me suis dit, tiens, je vais aller traîner par là. Il y a un lion qui m'a attaqué. Genre, il m'a sauté dessus. Je me suis fait éclater. Il fait, je repasserai plus par là. Mais si tu veux, pour les géants, quand j'ai commencé Skyrim, j'ai fait la même erreur. Ah oui, je me suis baladé, je me suis dit, oh, je vais pas aller à la ville, je vais aller ailleurs. Et puis après, j'ai vu la taille de la map, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va faire beaucoup de trucs à aller voir avant. Elle est vraiment énorme. J'avais même pas été dans la première ville, quoi. Donc. Mais j'avais un arc et des flèches, j'avais pas mal de flèches. Et je vois un géant, je lui dis, oh putain, le con, il va me défoncer la gueule. Et je montais sur des rochers, et lui, il peut pas. Ouais. Du coup, j'étais là avec mon arc, je tirais peut-être pas des centaines, mais une soixantaine de flèches, et ça le butait au bout d'un moment. Ouais, mais c'est long. C'est magnifique. Par contre, il faut être très patient dans le jeu, parce que tu commences avec rien. Bah, et normal. Forcément, quand t'as pas de cheval, t'es à pied, pour le coup. Et tu marches. Par contre, ça, c'est ce que je regrette pour le jeu, c'est que tu marches longtemps. J'ai toujours marché, moi j'utilise quasiment jamais le cheval. Ah oh bah moi je suis un fainéant. Pourtant le cheval moi, c'est trop génial. Moi c'est ce que j'adore, j'achète jamais ce cheval, c'est trop bien de marcher. Ouais, parce qu'en fait, j'ai... Alors, je pense que tu vas venir après, mais j'ai modé le jeu. Ouais. De manière à ce que dès que tu te balades un peu, au bout de 5 minutes, il y a des trucs qui te tombent sur la gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est drôle. C'est parfait ça. C'est cool. Puis il y a autre chose aussi qui est différent en cheval qu'à pied. Alors il y a une grosse montagne au centre de la map qui s'appelle la Gorge du Monde. Non, pas la Gorge du Monde. Si, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Et en haut, t'as un grand dragon. Enfin voilà, ça fait partie de la quête d'y aller. Et pour la montée, t'as un chemin qui est très long. Ça serpente. Mais sinon, t'as la méthode Teddy qui consiste à sauter. Tu sautes, tu montes comme ça. On l'a fatigué son personnage. Je l'ai fait en vrai aussi. Ça fatigue pas, il y a pas d'endurance pour ça, mais tu n'es pas le seul à pratiquer cette méthode là. J'adore cette technique. Je sais pas si c'était prévu dans le jeu. Je sais pas où. T'arrives à grimper alors que ton personnage avance pas des masses, mais en sautant à force, ça grimpe un petit peu. Et ça monte. Et du coup, ce jeu-là, il a fait un carton. Il est sorti le 11 novembre 2011. Donc ça commence à toute la saga d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a un prochain qui sort cette année. Ou l'année prochaine, je sais plus, j'en ai entendu parler. Oui, c'est Elsewhere. L'année prochaine, ouais. Elsewhere, c'est la terre des Khajiit. C'est une race aussi dans Skyrim. Enfin, dans. Les Khajiit, en fait, si vous voulez, c'est des. C'est des chats. Des chats à taille humaine. C'est des pouilleux. Ils sont trop mignons, je trouve. Moi, je les aime bien. Donc. En fait, c'est les gitans de Skyrim. C'est ça. Non, mais c'est ça en plus. Sans aucune offense à nos éditeurs gitans. Hein. Travailler avec eux, big up. Hein. Ouais. Enfin, c'est eux qui ramènent la drogue, les Khajiit. Le skooma, c'est la drogue de Skyrim. C'est vrai qu'il y a un peu des clichés dans le jeu quand même. Avec certaines races, on va pas se le cacher. Bah, les elfes noirs, ils prennent cher. Oui, ils prennent très cher. On fait pas de blague là-dessus. C'est ce qui est encore plus. Ils ne diront rien. Ce qui est encore plus marrant dans ce jeu-là, c'est que tu peux le modder, comme disait Thomas à l'instant, c'est que tu peux rajouter des trucs qui font, enfin, que le jeu a une autre dynamique après. Et franchement, tu t'ennuies pas, tu tapes des grosses barres tout ça. En fait, c'est pour moi, c'est vraiment le gros fort de Skyrim. Ouais. Quoi. C'est qu'en fait, la communauté crée du contenu pour le jeu. Tu peux incorporer dans ton jeu et chaque Skyrim est un Skyrim personnel en fait. Ouais, ça, c'est vraiment génial. Il y a aussi les DLC aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas avec les modes. Ils ont fait 3 DLC, notamment une que j'ai bien retenue, c'est celle où ça débloque une nouvelle île, enfin une île de base, et de suite t'as plein de nouvelles quêtes et tout, enfin ça donne carrément beaucoup plus de contenu. Ça donne carrément. Et t'affrontes le premier enfant de dragon. De jeu. Magnifique. Ah, tu vois, il y a un truc que je viens de lire à l'instant. 5 ans après sa sortie, il y a eu plus de 30 millions d'unités écoulées quand même. C'est énorme. C'est tellement cartonné que. Skyrim et son homologue Fallout aussi, parce que c'est les mêmes créateurs. C'est Bethesda. Ouais, Bethesda. Ces deux jeux-là, alors ils se ressemblent pour avoir joué aux deux. C'est assez similaire. Mais. Quoi qu'il arrive, ça fait un carton plein à chaque fois qu'ils en sortent un nouveau. Hein. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a un mode en multijoueur sur Skyrim. Oui. Ouais. Ah, ça, je suis moins fan. Ça a été fait par la communauté au début, sous forme de mode. ça marchait moins bien, vite fait, mais il y avait un gros engouement. Donc Bethesda a fait le MMORPG Elder Scrolls, qui était en gros un genre de Skyrim, mais genre vraiment online, etc. Après, ce MMORPG là a pas forcément très bien marché, leur balle, mais en fait, c'est un peu le paradoxe. Ils ont essayé de faire du Skyrim, mais en multi, donc ça marche pas. Ça marche pas, Skyrim, c'est fait pour être en solo, c'est comme ça là. Mais du coup, si vous faites ce jeu là, mais tout seul, bah c'est cool. Bah oui. Ouais. Bon, en vrai, ouais, c'est bien. On peut c'est parler marrant. Du crash de Fallout 76. Oui, voilà. Magnifique crash. En vrai, tu vois, je me suis jamais penché sur le côté multijoueur parce que j'avais peur que. Enfin, la peur que j'ai que ce soit trop le bordel en fait. C'est mauvais. Enfin, bah, tu peux pas prendre un joueur solo et mettre ça en multijoueur. C'est le pas... multi sur ce genre de jeu, ça, pour moi, ça casse l'immersion. Bah, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça casse totalement. Tu vis plus forcément ton aventure. C'est ça. C'est un jeu que je conseille hein, si vous êtes fan des démons de médiévaux. Ouais, si démons. Hein, de démons. Enfin, il y a les Daedric. Il y a en fait, j'ai pas fait vraiment le tour, mais il y a des mages, il y a des. Ah oui, t'as plusieurs catégories de combats. Évidemment, t'as de la magie. Il y a un truc qui pourrait te plaire. Enfin, toi qui as sûrement dû te plaire, t'as les combats au corps à corps, les gros bourrins qui. Eh ben, figure-toi que je ne suis pas du tout un bourrin dans Skyrim. Ah ouais, t'étais. Je suis un archer à épée à deux mains. Concept assez sympathique. Ça reste un peu bourrin quand même. Pour... Ouais, mais ma plus forte compétence était archer quand même. Je suis un dieu à l'arc dans Skyrim. Et ben moi j'étais le gitan de Skyrim, mais j'étais un Khajiit. Sérieux, t'étais un Khajiit? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais en fait, chaque personnage a une capacité. Et moi ce que j'ai apprécié dans celui-là, c'était la furtivité. Ils ont des points forts et des points faibles. Ouais, voilà. C'était la furtivité. Les Khajiit, c'est bon du pour coup... être des voleurs, des assassins, genre de trucs. Ouais, donc du coup, pour certaines missions, genre à un moment où tu intègres, comment on appelle ça, la guilde des voleurs. La guilde des voleurs, c'est vraiment un atout supplémentaire. Parce que oui, il y a des guildes évidemment. Ouais, il y a des guildes. Oh, c'est génial. Il y a plein de quêtes annexes comme ça. T'as la guilde des bardes, la guilde des guerriers, genre de trucs. T'as l'académie de. Il y a des guildes où tu. T'as pas envie d'y aller quoi. Genre les mecs ils parlent comme de la merde, ils te prennent de haut. Tu fais mais du tu me parles toi. En vrai, c'est. Il y en a des biens. Tu peux être un loup-garou aussi. Ouais. Mais par contre, tu peux être un vampire. Oui, tu peux être un vampire, c'est vrai, c'est grave. Ça, c'est grave cool. Avec un DLC, ouais, tu peux. Non, même sans DLC, tu peux avoir la maladie, mais ça te fait pas vraiment vampire. Avec le DLC, ouais. Par contre, avec une DLC, tu deviens un vampire badass. Ouais, en vrai, ouais. C'est... Mais je préfère être loup-garou, j'ai une âme de loup-garou. Voilà. Mais si vous aimez l'aventure, les tuer des dragons, même monter sur des dragons. Parce qu'à un moment, tu peux les dresser. On peut avoir un dragon. Tu vas dire, tu vas pas le siffler. Oui, mais ouais, la maîtresse si dragon. Tu peux en fait le siffler avec un cri. Un cri, oui, voilà. En fait. Ah ouais, il y a cette partie là aussi. Tu cries et puis t'as ton pote dragon qui apparaît, puis tu peux monter dessus. Et parce que en fait, enfant de dragon, c'est pas juste un titre genre tu vas tuer des dragons. C'est en fait, t'as aussi une âme de dragon, donc tu peux parler comme les dragons, tu peux attaquer comme les dragons. En fait, c'est que tu parles le langage dragonique. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc tu as accès à des capacités. C'est ça. Alors que les humains, bon, un humain qui parle dragonique, ça fait bizarre. Et du coup, oui, ça te donne des capacités, Il peut pas, un humain, il comprend pas. Bah oui, voilà, c'est il ça. Il peut pas le lire. Donc, t'as des capacités, type le Fusroda, cri très célèbre, ça s'appelle des cris. Quand ils disent quelque chose, Fusroda, c'est trois syllabes, et ça fait. Ça repousse. Ouais, c'est ça, simplement. Ça repousse au loin. Mais il y a plein de cris comme ça que les dragons font. C'est drôle ce cri parce que. C'est le plus célèbre. C'est le plus célèbre, mais genre, je me souviens des scènes où je me suis marié tout seul dans ma chambre. Genre, je marchais tranquillement sur un sentier, t'avais un groupe de soldats qui me faisait chier, j'ai poussé le cri, il y a tout le monde qui s'est. Tu cries Fusroda en fait. Voilà, et t'as tout le monde qui jarte, qui fait bon, bah ça y est. Ça, mais t'as des petits personnages en fait, ils sont là, mais ils sont désarticulés quand ils volent. C'est ça. C'est tellement drôle. Et après, ils se relèvent d'une façon assez mécanique, c'est assez drôle. La magie de Skyrim, c'est bug aussi. Hein. Ouais. Genre, moi, il m'est arrivé souvent de faire un cri et en fait, t'as le dragon qui. Sur un dragon, le dragon s'envole, sauf qu'il reste bloqué dans la montagne en fait. Oh oui. Donc, il a l'air un peu. C'est fandard. Ouais. Après, pour parler un peu lore aussi de Elder Scrolls, parce que faut voir que les Elder Scrolls, c'est une franchise en fait. Bah oui, c'est ça, c'est plusieurs maps en fait de chaque race. En fait, ils changent de pays. Genre, les elfes noirs, ils avaient Morrowind. Le premier, je le connais pas. Je sais plus. Mais en gros, ouais, c'est vraiment toute une mythologie qui a été créée avec des dieux, avec un univers, un monde. Par contre, c'est un bordel. C'est un univers en fait. Pour ceux qui sont intéressés, moi, je vous invite vraiment à aller voir en fait Bob Lennon. Les notes, c'est ce que je disais à Gaëlan en off tout à l'heure. Ouais, hein. Il a fait tellement d'épisodes et il est à mourir de rire, ce mec-là. Ouais. Et en fait, il fait des lives aussi sur Skyrim, des fois, où il fait des rediffs de live. Et des fois, il prend le temps en fait, d'expliquer toute la mythologie, toute la, tout le lore, ce qu'on appelle le lore, donc tout ce qui est hors des jeux et ce genre de trucs. Et c'est passionnant. Et c'est, par contre, c'est d'un bordel, mais monstre. Ouais, hein. Mais il faut vraiment suivre. Hein, parce que c'est bien construit, c'est comme l'univers de Lovecraft et tout ça. Ouais. C'est tout un univers à découvrir. C'est toujours génial de découvrir un univers. Si vous avez, un peu de temps et que vous avez un peu l'âme d'aventurier, franchement, n'hésitez pas. Ouais, faut foncer. Ah, c'est un peu, c'est vraiment, c'est comme si on rentre dans une œuvre en fait. On joue pas simplement un jeu, on rentre dans un univers qui lui est propre. C'est ce que beaucoup de jeux oublient en fait de nos jours. C'est ça. Et c'est grâce à ça que Bethesda, ils savent s'ils sortent une suite à Skyrim, ils savent déjà que les joueurs qui ont joué à Skyrim, forcément, ils joueront au prochain. Ça sera un record de vente absolu. Hein. Ouais. C'est prévu. Hein. J'ai déjà précommandé le jeu, moi. Je voulais te dire aussi. Oui, dis-moi. Devine quelle race j'avais en étant archer avec épée à deux mains. Ça va être assez drôle. Vu comment t'es sadique, je dirais elfe noir. Même pas. Je suis un orque. Ah ouais. Les orques, c'est des bourrins. Mais il avait un pouvoir assez intéressant. Toi, Thomas, t'étais quelle race? Ça m'intéresse. Moi, j'étais plus en vrai orque parce que j'adore. Orque aussi. Une orquesse en fait. Il aime les cornes. J'ai pas précisé parce qu'on peut, il peut y avoir. Enfin, on peut. Petit coquin. Préciser. On... en fait, c'est surtout leur. Il y a les hommes et les femmes du coup. J'aime bien leur histoire aussi. Si en fonction de si c'est une femme ou si c'est un homme, je présume qu'ils ont des capacités différentes. Non, pas du tout. Égalité homme-femme. J'ai repenser en parlant de ça, c'est qu'en fait, ce qui est vraiment génial aussi, c'est que tu peux moduler ton personnage de A à Z. Genre, tu choisis ta race, tu veux changer son nez, ses sourcils. Tu peux être vieux, tu peux être jeune, tu peux être moche. Avec les modes, ça devient vite le bordel. Tu peux être un poisson rouge, tu peux être une licorne, tu peux être n'importe quoi. Tu peux être tout ce que tu veux. C'est vraiment un jeu. Tu peux être Son Goku. C'est vraiment un jeu que je recommande. Ouais. Mais les orques, je les ai pris parce que en fait, c'est vachement intéressant leur place dans l'univers de Skyrim. Ouais. Ils sont en marge de la société. Tu peux rentrer dans leur fort que si t'es un orque. C'est ça. Ou sinon en faisant une suite de quêtes assez assez chiante. Mais il y a un malus quand même à être orque. Ouais, t'es assez mal vu par les orques. Voilà, et puis surtout un très gros malus pour moi. Enfin. Moi qui adore le forgeage dans cet univers, tu peux forger tes armes et tout. Il y a une paire de gantelets orc que tu peux avoir que quand t'es pas orc. Ah, c'est con ça. C'est triste. Bon. Donc tu peux pas avoir, enfin pas les meilleures stats, mais grosso modo tu peux pas créer la meilleure truc en étant orc. Moi j'avais mis du temps, mais moi ce que j'avais concocté genre pendant ces 200 heures de jeu, mon objectif c'était d'avoir l'armure draconique. Tu sais, t'as une armure draconique. Elle est stylée celle-là, je trouve. Un peu. Oui, bah, je préfère la Daedric quand même. La quoi ? La Daedric, les Daedras, c'est des démons c'est en fait. C'est pour les Kikoulol ça. C'est pour les Kikoulol ça. Ouais, mais c'est cool. C'est quand tu joues. Alors, c'est un autre Elder Scroll, c'est Oblivion. J'y ai joué à ça aussi. Il y a Morrowind, Oblivion et Skyrim. Morrowind, c'est le 3. Morrowind c'est le 3. Oblivion 4 et Skyrim 5. Bon courage pour vous y mettre maintenant au premier parce que ça a quand même très mal vieilli. Hein. C'est très dur à jouer en fait parce que c'est des vieilles mécaniques, c'est pas très stable, c'est pas très fluide, c'est un peu compliqué à comprendre et tout. Enfin, ça a très mal vieilli. C'est ça. Mais jouer à Skyrim déjà, ça passe nickel. Franchement, c'est vraiment c'est un jeu. Moi, la crainte que j'avais, c'est que quand je l'ai acheté, c'est que les jeux en solo, au bout d'un moment, je m'ennuie. Je peux te dire, mais c'est pas ennuyé. Avec 273 heures de jeu. En fait, ce qui est intéressant avec Skyrim, c'est que c'est un jeu, en fait, vous allez le laisser d'un côté pendant 6 mois. C'est ça, tu peux reprendre. Et 6 mois après, vous allez faire, putain, j'ai une envie de Skyrim qui sort de nulle part, et vous pouvez reprendre. Exactement ça. En fait, vous n'êtes pas perdu. C'est comme une femme enceinte qui a envie de fraises. Exactement. Belle comparaison. C'est une belle comparaison. Oui. Mais ouais, c'est vraiment ça qui est cool. C'est genre, on se replonge dans l'univers comme si on l'avait jamais quitté. Et voilà, vous pouvez repartir sur une nouvelle quête où j'aurais jamais fait le tour et c'est trop cool. T'as un mème qui traînait aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de mèmes aussi aujourd'hui. Du coup, je vais parler de mèmes, j'aime bien. Dans tout le début du jeu, une fois que t'as créé ton personnage, en fait, t'apparais. T'es dans une charrette, t'étais prisonnier, t'allais être exécuté. Oui. Et en fait, t'as d'autres prisonniers et disent comment t'es arrivé là ? Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement comme dialogue, mais la scène où ils sont sur le chariot, elle a été reprise tellement de fois dans des mêmes diverses. World pourrait sans doute nous en dire plus s'il était là. Évidemment. Pourquoi il est pas là? Pourquoi? Parce qu'il a pas voulu venir. Ah bah bravo. Il viendra peut-être un jour. Ils ont fait, comment on appelle ça, des YTP avec les voix de Skyrim, en gros, un peu. Des quoi? Des YTP, genre ils ont modifié plusieurs passages. Non, en gros, non, c'est... par exemple... je sais pas. Ah, ils vont mettre... La première réplique, c'était... alors, vous aussi, vous avez été retrouvé là, enfin, un truc du genre. Ouais. Et en fait, c'est... Avant, on met une image complètement random, genre d'un mec qui vole un paquet de gâteaux. Ouais, voilà, puis tu te retrouves prisonnier à être exécuté. Alors, vous aussi, vous allez être exécuté ce matin. Je crois que c'est ça. J'ai regardé. Oh, ouais, il y a plein de mèmes là-dessus, mais c'est génial. Enfin, j'adore. Michael, ouais. Il n'en partage plein. Après, il y a le fameux mème de la flèche dans le genou. Ah oui, légendaire discours des gardes. Ah, ouais. Les gardes, tu vois, ils ont un discours, c'est des bots. Ils ont des discours préenregistrés, ils en ont plein. Il y en a un qui a marqué l'esprit. Genre, le garde, jour, il dit... Soldat et j'ai pris une flèche. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Voilà, et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. C'est tout fort. Et après, il se barre. Du coup, t'es garde maintenant, vu que t'as pris une flèche. C'est quoi le concept? Le délire, c'est que flèche dans le genou, c'est une expression, normalement, là, c'est pour dire je me suis marié. C'est plutôt... Oh non, t'as cassé mon image de flèche dans le genou. Ouais. Non, je préfère flèche dans le genou. Ou aussi, t'as une petite fille genre qui vient de temps en temps qui dit mais vous faites pas peur vous, et tu lui balances un fausse froda dans la gueule. Ouais, mais et là je fais peur. Ça c'est négatif, dégueulasse. Point négatif de Skyrim. C'est dégueulasse, ouais. Coup de gueule contre Bethesda. Ouais. Ne peux pas tuer les enfants. Mais par contre, tu attaques les enfants ou un chien, t'as tout le monde qui te saute dessus. C'est ça, ils sont indestructibles, ces bordels. Tu relances des fausses rondas, tu tapes un coup d'épée, tu boules de feu, tout ce que tu veux. Ça, c'est dommage. Ouais. Un conseil, ne tuez pas de poule. Oui, aussi. Oui. Pas de quoi? De poule. T'es dans le village, tu vois une poule, tu dis, oh tiens, je vais ramasser des cuisses de poule. Tu pour le délire, tu dis, non. Si tu lui balances une flèche dans le. C'est une attaque, c'est une agression vers la ville. Et là, t'as pas juste un garde qui vient te faire chier, c'est genre. T'as tous les gardes, toutes les PNJ qui viennent te défoncer. Oui, alors, tu les butes, mais au début, déjà, ceux qui te butent. Il y en a fini aussi. Ah. En fait, c'est un peu aussi un truc un peu à la GTR. Genre au début, ouais, les flics. Genre au début, t'as un niveau de menace faible. Puis plus ça, plus c'est fort. Et à chaque fois que plus tu vas dans. En fait, au début, c'est juste dans un village. J'adore ça. Puis après, ça va être dans les autres villes. J'adore et puis après, la merde. Ça va dans toutes les villes. Et après, tu as des prix qui augmentent. T'as un succès pour ça. Genre être. Comment dire. Avoir 1000. Enfin, être recherché contre 1000 pièces d'or dans chaque. Juste parce que t'as tué une poule. Une poule, c'est 50. C'est 50. C'est déjà, beaucoup, c'est déjà pas mal. 50 pièces d'or parce que t'as tué une poule. Et quand tu modes le jeu pour devenir invincible, ce qui est marrant, c'est de buter tous les PNJ du jeu. Ça, j'ai pas testé. Alors, ça, perso, tu vois, j'ai pas besoin du mode. Pourquoi? Ouais, enfin bon. Je le fais sans problème. Non, moi, les gardes, ils me posent pas de problème à mon niveau actuel. Je suis niveau 60. Ah oui, 9. Ouais, mais tu sais, après, genre, tu mets ton Skyrim, tu vois, avec des difficultés extrêmes, etc. Ah oui. Et en fait, c'est parce que t'as, normalement, t'as des PNJ que tu peux pas tuer non plus parce qu'ils sont essentiels. Oui, parce qu'ils sont increvables. Oui, voilà, c'est exact. Et du coup, tu mets un mode pour justement pouvoir les tuer. Et tu peux tuer les enfants, du coup. Tu peux tuer les enfants. Oh, c'est magique ce mode. Et résultat, tu pointes dans toutes les villes et tu fais l'élimination systématique de absolument tous les PNJ que tu vois. Mais vous rigolez, mais c'est déjà arrivé. Tu sauvegardes ta partie, puis après tu tues tout ce que tu vois. T'as envie de massacrer des gens. Tu tues tout ce qui bouge. Mais oui. Ouais. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de me faire des petites heures comme ça à tuer des gens. Et après, tu reprends ta sauvegarde. J'avais oublié de désactiver le mode qui permet de tuer les PNJ essentiels à des histoires. Donc, à un moment, j'ai tué des PNJ et j'étais en mode je vais continuer les quêtes. Et j'étais en mode Il manque quelqu'un là. Merde, j'aurais pas tué lui. Ouais. Ah, j'ai chatté tout le monde. Ma save est baisée, faut que je recommence une histoire. C'est triste. Mais ouais, voilà. Jeu vraiment mythique. Hein. Ouais, ouais. C'était l'histoire de Skyrim. À suivre avec le. À suivre prochainement. Oui. On en parlera sans doute du prochain. En 2020, du coup. Bah oui. Vas-y, qu'on l'aura testé. Moi, je vais l'acheter, perso. Ouais, moi aussi, je l'ai précommandé direct. Hein. Voilà, forcément. Il y aura Pokémon Go avant. Pokémon épée et bouclier. Ah ouais, qui sort là dans 10 jours. Sur Switch. Ouais. Bah, d'ailleurs, que la Switch. Si, c'est bien. C'est un bon concept de console, hein, je trouve. Ouais. On va écouter Where Would You Be? Oh putain! C'était Where si bien vu! On s'excuse auprès des oreilles de Where Would You? Le bilan qui ressort. Quelqu'un peut me le dire celui-là? Je sais que c'est Tiffany Alvord, je connais, pas de problème. Par contre, le titre. Where Would You Be? Ah. Oh, ça le fait bien! Ouais. Vas-y, dis-le Where titre après. Where Would You Be? Deux. Ça, deux. Je vois pas. Tiffany. Alvord. Alvord. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. PK Avengers. Et oui, nous sommes à l'honneur. Enfin, la pop culture est à l'honneur. Oui, nous aussi, nous sommes à l'honneur, effectivement. Oui, on peut. Hein. Toujours avec Antoine, Marguerite, Gaëlan, Thomas et moi. Et Jolan. Je l'ai fait exprès. Yes. Je l'ai regardé du coin de l'œil. Je me suis dit, ah tiens, je vais faire exprès de l'oublier. Oui. Mais par contre, samedi, je t'oublierai pas. Tu seras présent samedi. Oui, oui. Exactement. Je vous ai pas dit. Mais samedi. Dis-moi, Teddy, qu'est-ce qui se passe samedi? Ah, merci de me le demander. Ah, oui, samedi. Alors, samedi. Il y a. T'es vraiment sûr? Je te prends en octogone de dire. Allez-y. Samedi, il y a un événement à Mont-Louis-sur-Loire, donc en région centre, qui s'appelle Manga sur Loire. C'est un événement où Indestar sera présent, évidemment. Le SVA aussi, puisque on travaille toujours en partenariat avec Indestar. On fait les deux, de toute façon. On sera présent toute la journée. On vous invite à venir, évidemment, à aller voir. Vous pouvez même venir à notre stand, on vous interviewera. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as peut-être que je vais te poser une colle, mais certains d'entre vous pourront me répondre. C'est gratuit ? Non ? Oui, c'est gratuit, c'est effectivement. Gratuit. L'entrée d'accord, est okay, totalement gratuite. Okay, j'avais un doute, ok. C'est ça, bah, je crois que dans les débuts, c'était pas gratuit. Si, ça a toujours été gratuit. T'es sûr ? Oui. Je me rappelle d'avoir un tampon sur la main. C'est le fan tour qui est payant. Attention, ah, c'était pas ailleurs. Bah, ouais, ça doit être. Ouais, ça, le club changeait du monde. Non. Paradise. Ouais, oui, c'est non. Hein oui, si. T'as l'air de comment connaître. Comment tu connais ça, toi? Et du coup, le soir, il y aura une mission. Bah, du coup, on va au club. Allez. Non, le soir, pour sérieusement. Playlist de quiz. Alors ça, c'est pour dans la journée. Ouais. Ah, dans la journée. Si vous venez, vous aurez le droit à un blind test sur les mangas, évidemment. Ouais. On aura d'autres jeux, on aura des animations, on aura plein de trucs. Venez. De 14h à 17h. On aura même des goodies. Alors, le samedi de 14h à 17h, bah oui, je crois. Ça sera un ange. Il y a quelque chose, oui, voilà, c'est ça. Mmh. Mais toute la journée, on fera des enregistrements d'interviews et genre ça de trucs. Ça commence à partir de quelle heure? Oui, dis-nous. Manga sur Loire, ça commence à 10h. Et ça finit à, je sais pas. Ça finit à tard dans la nuit. Restez jusqu'à la fin. Et c'est jusqu'à. Par contre, nous. Non, c'est qu'un jour. Oui, c'est juste un jour. Oui, okay. C'est Manga sur Loire. D'accord. Et comment dire, on va enregistrer une émission et on peut pas la diffuser en direct parce que la connexion est très mauvaise. Du coup, on va la diffuser en différé. Mince, dommage. Le soir même de 20h à 23h. Et ça sera une spéciale PK Avenger, évidemment. Donc, évidemment, toujours votre équipe préférée. Toujours. Voilà. Évidemment. Oui, avec moi. La meilleure mec, la grosse tête. Avec moi, avec surtout l'élément principal. Antoine. Ah bah je serai pas là moi. Ah me dis. Ah bah voilà, super. Super. Merci Antoine. Ah voilà. Magnifique. Tu t'es bien placé. Oui. Bon. Tu seras là Marguerite. Peut-être. Je serai là l'après-midi. Ouais. Cool. Yay. J'aime. Pourquoi t'es pas là quoi Antoine. Oh Gaëlan, je sais pas. On m'a prévenu aujourd'hui. Ah. T'avais prévenu aujourd'hui puis. On est d'accord. T'avais déjà prévu un truc c'est ça. Ouais bah j'ai un anniversaire le samedi soir. Ouais si. Ah merde. Moi l'histoire je suis chez mon père. Ah ça va vous faites votre vie là. On m'a prévenu aujourd'hui. On m'a prévenu à bah c'est. Sans le sel. C'est Théo qui m'a envoyé. C'est clair. C'est Théo qui m'a envoyé un message tout à l'heure me disant ouais on a ça prévu. Bah ouais mais moi j'ai déjà quelque chose de prévu. Bah tu nul nul je m'en fous. Ah bah moi je suis chez mon père. Et bah je m'en fous. Non tant pis c'est pas on fera ça en quoi. Mais par contre Gaëlan toi tu habites à Mont-Louis. Non. Et tu peux c'est pas quand même bien tu le sais. Bah tu non, me dis. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu dis que c'est vrai? T'as dit quoi toi? Les stalkers, pense aux stalkers. Oui. Ah, oui. Bah je l'ai pas encore suivi donc je sais pas. Ça peut se faire. Je sais où Marguerite habite. Mais oui. Une grosse erreur. J'habite à Mont-Louis. Non, c'est juste qu'il est venu me chercher avant, c'est tout. Exactement, c'est juste pour ça. Et j'aurais pas retrouvé de toute façon. Je suis perdu. Quand j'ai tapé la scène. Si, j'étais pas loin quand même. Oui, oui. Si, il oui, y avait des trucs. Mais oui. Il y avait France Menuisier, enfin un truc du genre, pas loin de l'escate où j'ai été chercher Marguerite à toi. Bref. Toi, tu seras là, évidemment, Thomas. Oui, bah oui, je coordonnerai le SVA, toute la partie audiovisuelle filmée, tout ça. Voilà. Moi aussi, je serai là, et Jolan aussi. J'aurai le taf le plus marrant, je gueulerai sur les gens. Toi, travaille plus vite. Toi, va faire ça. Toi, fais ça. Bah attends, c'est ce que tu fais d'habitude. Bah ouais, mais c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que je suis ce que je suis. C'est pour ça que tu es oui, là. Oui, pourquoi voilà. Je l'invite jamais. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi. Là, c'est étonnant, il nous a gueulé que hors antenne, hein, même pas à l'antenne. Je suis un mec sympa quand même. Que les jours fériés. J'ai trop de brouillons en moi. À la sortie, je sors le fouet. Je préviens. Et ça mec sympa. Que Gaëlan que ça avait excité mais bah non. Non, je suis pas d'accord. Moi aussi je veux mes coups de fouet. Attends. Oh. Mes coups de fouet dommage. Ouais. Bon, oui, il suffit de mettre des barésies pour exciter toi. T'es pas rasé. Non, rien. Quoi ? Non. Alors, il aime les poux, il aime les barésies. Yes. On va s'arrêter. Bref, venez à Manga sur Loire ou écoutez l'émission de 20h à 23h si vous pouvez pas venir à la rigueur. Voilà. 23h15. Vous louperez rien. Vous aurez l'occasion pas que de Indestar, vous aurez plein de youtubeurs, de web séries. Ah oui, mais pour ça, faut qu'ils viennent. Il faut donner aux joueurs envie de. En parlant de youtubeurs, tu sais qui sera présent là ? Non ? Pas non du tout. Pas du tout. Okay. Mais tout est accessible sur le site de. Oui, bah oui, de voir, sur Loire, il y a la programmation. J'irai checker alors. Oui. Parce que je m'en rappelle plus de la prog, je l'ai pas appris. Je sais qu'il y a nos potes de web série qui doivent venir, parce qu'ils le font tous les ans. Ils me font un nom. J'ai un gros trou de mémoire. Ouais, c'est ça, ouais. Sans doute. La vie de Ralph. La vie de Ralph ? Ouais. Ralph in Real Life. C'est une web série que je vous invite à découvrir. C'est sympathique, c'est humour geek, c'est très cool. En fait, c'est humorique. Le pitch, c'est à Ralph, un étudiant qui emménage tout juste et qui découvre en fait la vie d'adulte, mais comme s'il voyait ça dans un jeu vidéo. Donc on a le vieux Glandalf qui est dans l'appartement, qui lui donne des quêtes et ce genre de trucs. C'est très drôle. Mais je connais, j'en ai vu un bout. Attends, je vais aller. Gandalf le vieux. Mais oui, c'est un vieux déguisement. Mais oui, c'est de la web série, c'est génial. C'est toi qui me l'as fait regarder. Bah oui. Bah encore une fois. Je vous invite vraiment à découvrir. Oui, t'inquiète pas. Je sais très bien qu'on va passer à la suite, évidemment. La suite après la pub. Alors on va écouter la musique. On va écouter autre chose que la musique. On va écouter Marguerite, la voix féminine. Alors je précise juste. Tu n'es pas une femme. Oui, je suis en réalité. Non, en réalité, je m'appelle Mathilde pour ceux qui auraient oublié. Non, c'est Marguerite. Mais il a décidé que je serais Marguerite. T'as un pseudo à la radio, c'est Marguerite. Alors Sainte Marguerite Dupré, alors s'il te plaît. Sainte Marguerite. Alors nous avons fait les choses bien fait, d'accord. Je fais toujours les choses bien. Évidemment. J'avais envie de dire des titres là, mais. Marguerite, dis-moi, tu voulais pas qu'on mette une musique ? Non. Si, on peut la mettre. Bah, je peux te faire une petite présentation du film. Ouais. Et puis on peut. Ouais. Parce que je te ferai un petit signe, okay, si tu veux. Ça marche. Tu la regardes. Tu la regardes dans les yeux. Attends. Déjà, je la. Je la vois pas. Elle est trop petite. Non, t'es calé, bim. T'as un problème avec les titres ? Hein ? Oui. Il a un truc à compenser. Avec les petites. Yes. Et voilà. Pas mal. Elle est bien. Ouais. J'essaierai de trouver une répartie plus tard. Je sens que c'est la première et dernière fois que je serai accepté. Exactement. Oui, c'est probable. Et je vous annonce aussi qu'il y aura un nouveau président au Osva. Coup d'État. C'est ça. On est pour. Bon. Tu vas nous présenter un film, je crois. Ouais, je vais vous présenter Hors Normes, qui est un film très récent, parce qu'il date de cette année. J'ai déjà fait la blague, donc je vais pas le dire. Mais... Oui, non, ça va. Non, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Chut. Voilà, merci. Donc c'est un film de Eric Toledano et de Olivier Nakache, donc les réalisateurs de Intouchables, Le Sens de la Fête, Nos Jours Heureux, n'est-ce pas Gaëlan ? Yes. Je sais que tu aimes beaucoup. Ah oui, j'adore les Nos Jours Heureux. Et on a eu la chance de voir le film en avant-première avec Gaëlan, c'était très très cool. Donc on a rencontré Eric Toledano et on a aussi rencontré je vais vous expliquer un peu le pitch. En fait, on a rencontré une des personnes c'est l'un des membres qui a donné l'idée, on va dire, qui a créé l'association qui est dans le film. Voilà, et ils se sont inspirés de lui pour faire le film. Et ça fait 10 ans ou 20 ans. Vous connaissez ce mec ? Ça fait 20 ans que les réalisateurs connaissent ce mec et qu'ils veulent faire ce film. Ouais, juste avant, en fait, je vais vous raconter un peu de quoi ça parle, mais. Ouais, c'est un film français, ouais. Oh, ouais, mais de chez nous, genre Tourangeau et tout. Non. Malheureusement, non. Ça aurait été bien. Pour un contenu Tourangeau, je vous invite à regarder la Lazy Company. Ouais. La Lazy Company. Il y a John dedans, le fameux John Pinel. Il y a un peu de nous qui fait de la figure dedans. Ouais, c'est énorme, ça parle de nazis. Non, il a le premier rôle. Hitler, ça parle. Ouais. Voilà. Ça a l'air très bien. C'est complètement what the fuck, mais c'est génial. Ok. Donc, alors pour résumer un peu, en gros, en région parisienne, deux associations recueillent sans autorisation officielle des cas complexes d'autisme et qui sont rejetés par la société. Dans l'Asperger et tout ça. Non, c'est vraiment des cas d'autisme en fait. Mais des cas d'autisme complexes, en fait, si tu veux, c'est le terme utilisé pour très très fort en fait. C'est vraiment des cas d'autisme très. Très joli. Je peux te le dire, ouais. Je ne répondrai pas à cette attaque. Ah, c'est bon, Jolan. Voilà. Comme et tu es. Et comme ils n'ont pas d'autorisation, comme ils n'ont pas d'agrément, l'État décide de leur envoyer l'inspection générale des affaires sociales. Ce qui est quand même un peu con parce que je veux dire, ils font le boulot que l'État ne fait pas. Donc ce qui est quand même un peu ah ouais, mais du coup, l'État n'est pas d'accord parce que, évidemment, c'est à nous de le faire. Enfin, c'est à nous de pas le faire. C'est ça. Non, mais ils vont quand même, ils vont quand même vérifier. Comment dire, ils vont quand même voir si c'est en, si c'est en règle. Tu vois, c'est très d'accord. Logique. Enfin, bref. Et donc en fait, pendant que tu as Bruno, qui est le directeur de l'escale, donc l'une des associations qui tente de gérer les inspecteurs et en même temps les nouveaux cas qu'il doit accueillir chaque semaine, en fait, tu as Bruno qui est aussi son associé, mais qui est lui de l'association des silences, du silence des justes. Donc ça, c'est la deuxième association. C'est pas Bruno, c'est pas Malik. Ah non, j'ai inversé les noms, putain, pardon. Parce que t'as dit Bruno et Bruno, ouais. Malik, pardon. Il y a trop de Bruno dans ce monde. Oh, ça va pas. Ça s'appelle tous Bruno. Ouais, c'est Malik. Lui, pendant ce temps, en fait, il forme des jeunes de cité pour bosser dans la sauce. D'accord. Voilà, donc c'est un film très très cool. Donc comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est basé sur donc deux assos, donc l'escale et le silence des justes. Donc celui qui joue Bruno de l'escale, c'est Vincent Cassel, qui est ouf. Je le connais, ce genre. Ouais, moi tu aussi. Le connais ce genre, ouais, hein. Je crois, hein, ouais, je hein. Connais aussi. Donc lui, il joue Stéphane Benamou, qui est pour le coup le vrai directeur de la sauce, en fait. Il s'appelle vraiment Stéphane Delano. Ouais, Stéphane Benamou. Benamou, pardon. Non, c'est Benamou. Il y a pas de. Ouais. J'ai dit Delano, mais c'est rien à voir. C'est pas le même. Ouais. Et du silence des justes, donc tu as Reda Kateb, qui joue pour le coup Daoud Tatou. Donc c'est lui qu'on a rencontré avec Eric Toledano, pardon, pas Olivier Nakache. D'accord. Et comment tu l'as rencontré? C'était pendant une avant-première, en fait. D'accord. Ouais, ah, ils sont venus pour parler un peu de leur film. Enfin, c'était au CGR. CGR de Tours, pour le coup. Oh, c'est beau. C'était très cool. Il y en a souvent des avant-premières, si vous êtes intéressé par rencontrer des cinéastes connus. Non. Ou des acteurs. Non, je te des acteurs, ouais. Ou des comédiens. Français, je précise. Oui. Ouais, c'est souvent super intéressant parce qu'il y a vraiment un temps d'échange entre le public et puis les réals. Enfin, en général, c'est cool. Puis vous qui faites partie de l'escale, forcément, ça vous intéresse encore plus. Bah, et puis nous, généralement, c'est bien parce que c'est moins cher. Les avant-premières sont moins chères. Non, juste pour l'escale. Non, juste pour l'escale. Ah ouais, il y a du chat. Ouais, non, on gratte. Chais. Ah ouais, d'accord. On gratte, clairement. Ok, ça invite même pas en plus. Ça fait pas profiter les copains. Ouais, c'est clair. Ça, hein. Ça va pas du tout. Oh, chef. Non, moi je tiens juste à rajouter ce qu'avait pu dire notre prof de montage pendant l'avant-première à Toledano, c'est que dans leur film, ils réussissent toujours à embellir l'humanité. Mm. Et c'est super beau. Ah, c'est pour ça que j'aimerais bien vous faire écouter la musique, parce que la musique est tellement. tellement bizarre. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. Ouais, est-ce que tu veux laquelle? C'est-à-dire. Attends, laisse-la choisir. Quoi? Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle? On va commencer par la mauvaise, comme ça c'est fait. La mauvaise, on sait pas où est-ce qu'elle est, la musique. Alors je pense que je l'ai sous les yeux, mais je ne suis pas sûr que ce soit celle-là. Est-ce que c'est Blue de quelque chose? Oui, c'est ça. C'est celle-là, ok. C'est bien ça. Ah, et ben la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a, en fait. C'est qu'on l'a retrouvée. Merci, Teddy. J'allais dire, il n'y a pas de bonne nouvelle, mais. Alors. T'enlèves le bête. Je vais meubler pendant ce temps. Meuble, Ikea, meuble. Ikea, meuble. Chaise. Allez, chaise. Toujours. Moi, ce qui est franchement, ce qui est à l'image de la musique, en fait, ce qui est vachement cool. Je suis lassé de cette. Oh, putain, ah non, si, j'ai Madbuck. Mais non, à l'image de la musique, ce qui est vachement bien, c'est que même si ça parle de thèmes super difficiles, parce que l'autisme, mine de rien, c'est quand même assez complexe à gérer, c'est un film qui donne beaucoup d'espoir, en fait. Tu vois, genre à la fin, t'as dans l'humanité. Enfin, ouais. Le truc que je n'ai pas. Non, mais franchement, va voir ce film pour ça. Ouais, vas-y. Lance la musique. Ouais, mais je n'arrive pas. Ouais, mais non. Oh, ouais, mais non. On continue de meubler. Allez. Alors, désolé. Moi, je peux te dire que j'ai retenu une chose qu'avait dit Vincent Cassel en interview, c'est que au début, les films de Nakache et Toledano, c'est beaucoup de comédie avec un peu de drame. Ah oui. Et maintenant, il y a un équilibre qui se fait, c'est que maintenant, leurs films, c'est énormément de drame avec un peu de comédie. Un peu de comédie. Mais ils gèrent ça, mais tellement bien. C'est ça. Oh, c'est dommage. Enfin, non, non, pourquoi c'est dommage, pas, non, c'est non, pas non, dommage. Franchement, au contraire, c'est moi je suis un gros fan des comédies. Ouais, mais là c'est encore plus beau. Ouais, et pour la petite anecdote, ce qui est vachement intéressant, c'est que la plupart des autistes qui jouent dans le film, en fait, ce sont des vrais autistes de l'association. En tout cas pour Joseph. Ouais, il y a juste qui mettait une bonne ambiance sur le plateau. Oui, pardon. C'est vrai. C'est lequel qui est joué par un vrai acteur? Comment il s'appelle? Joseph, ça, c'est un. Il est. Autisme. Non, mais il y en a un autre qui est joué par un acteur qui n'est pas autiste. Oui, c'est celui qui a un casque de boxeur. Ça, lui, pour le coup, c'est un cas compliqué. Et il a aucune sociabilité. Enfin, En fait, il se frappe constamment. Ça devait être un défi pour l'acteur de jouer. En fait, apparemment, ce que le réel nous a dit, c'est qu'il avait un petit frère qui était autiste et que ça lui a permis de comprendre, en fait. Ouais, il a pu jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, ça l'a aidé. Ah, il a triché, en fait. Ah, le bâtard. Non, franchement, regarde. Ce qu'il nous a dit, c'est que ça lui a permis de se rapprocher de son frère aussi. Ouais. D'accord. Ça lui a permis de comprendre le regard qu'il pouvait avoir. Oui, je vois. Je suis navré, je n'arrive pas à lancer la musique. T'es mauvais, Jack. C'est moi qui suis navré, je vais te tuer. C'est clair. Si on appelait. Je connais une solution pour ça. On va crier très fort Théo. Bah vas-y, attends, on va. Théo, on va l'invoquer. C'est comme Lou Dimery. Théo, on l'a fait trois fois. Voilà, Théo est là. Notre cher Jolan International, voilà, on dit bonjour à Théo. Il nous a fait coucou. Il a un petit problème, Jolan. C'est comme Beetlejuice dès qu'on l'a vu. Il l'a trouvé sur cet ordi, mais il ne l'a pas trouvé ici. Du coup, on est dans la bouillie. Dans la panade. Oui. On est dans Beaudra. On ne peut pas la lancer. Voilà. Mais pourquoi tu veux la lancer? Nous, on veut juste l'écouter. Mais comment? Bah oui, mais on peut pas. Pourquoi tu veux la lancer aussi? Bah parce que c'est américain, on lance tout. Alors, on va essayer de vous lancer la musique. Bon, en attendant, on va continuer de parler. Meubler, Ikea. Tu sors. Conforama. En termes de plan, en fait, est-ce que y a une esthétique? Oui, il y a une esthétique qui est partie prise. Ça se voit qu'on meuble. Le flou. Oui. À un moment, il y a une séquence, c'est vers la fin. Ah, la dernière séquence, ils prennent de choisir le flou et de se balader dans un couloir. Il y en a une qui m'a beaucoup marqué, moi, justement, avec ce flou. C'est en fait justement quand celui qui a le casque finit par l'enlever, donc il est complètement flou, et au fur et à mesure qu'il enlève son casque, en fait il redevient net, un peu comme s'il revoyait, enfin il arrivait à sociabiliser, ça, comme s'il arrivait à avoir un regard net sur le monde, quoi. Et c'est en fait, en termes de technique, j'ai trouvé ça des fois un peu approximatif. Mais je me suis demandé si c'était pas fait exprès, en fait, à certains moments. Il n'y a pas de hasard. Mais ouais, et au début, je me disais, mais le point, il n'est pas fait, il y a un problème. Et finalement, ça apporte un truc au film qui est... Enfin, en fait, on se penche, comment dire, on se focalise pas sur la technique, en fait. On est vraiment dans l'émotion, on est vraiment dans le... Ouais, on se rapproche. Il y a beaucoup de gros plans, d'inserts sur les mains, sur les gestes, c'est... C'est vraiment plein de douceur, même si ça parle de choses compliquées, c'est vraiment plein de douceur, en fait. Voilà, c'est ça la musique. La musique. Yeah. Écoutons ça. Oui, mais on peut parler en même temps aussi un petit peu. Oui. Genre pas trop fort, mais... L'histoire vraie aussi, c'est que à force de prendre des enfants, ils n'avaient plus de place dans leur association. Ouais. Ah. Merci Thomas. Et il a pas dit alors, titre, j'espère. Le personnage de Vincent Cassel, ouais, si, là, vous savez. Le personnage de Vincent Cassel, comment dire... je pourrais dire Mathieu. Blanc. Dis-moi. C'est qu'il prend des enfants et. Arrête Thomas. C'est bon, il est pas prêtre du coup. Il est encore mieux. Ouais. Non, c'est qu'il va mettre des enfants dans des appartements que lui loue. C'est ça. Non, en fait, ils sont dans plusieurs petits appartements il a plus de place, à Paris. Donc, du coup, il va louer des appartements pour. C'est ça. Et puis même, en fait, à chaque fois, il est. Une phrase qui est très très récurrente dans le film, c'est à chaque fois il dit je vais trouver une solution. Donc à chaque fois il entasse malheureusement les enfants s'entassent un peu, mais en même temps il y a personne d'autre qui... Et moi j'aime bien la relation qu'il a avec Joseph qui est son premier enfant, qui est le premier enfant dont il s'occupe. Ouais, d'accord. Voilà, c'est... Il a un rôle de parrain, Joseph, ou... enfin genre en gros, pour les nouveaux qui arrivent? Non, ou quoi, en fait, non. Mais c'était vraiment, c'est vraiment le premier marrant. Pas marrant, mais ouais, moi ce que j'entends pas marrant, c'est que ça aurait été sympa de... Non, on apprend qu'au départ, Vincent Cassel, il s'occupe pas d'enfants atteints d'autisme. La mère de Joseph qui recherchait par tous les moyens à trouver quelqu'un qui pourrait guérir un peu son fils. Mm. Et elle a trouvé dans le personnage mais de Vincent Cassel. L'aider, je veux bien. C'est salaud. Elle a vraiment dit guérir. L'idée de l'aider, quoi. Oui, enfin, d'aller mieux, tu vois. C'est violent quand même. Non, mais je dis pas qu'il est malade. Je vais guérir ta maladie. C'est une tare génétique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bah, c'est, il manque des chromosomes, il y en a en trop. C'est pas péjoratif. Oui, non, j'ai pas le contraire. Je crois que c'est ça, Oti. Il manque des. Ah non, c'est la trisomie. Ça, c'est la trisomie. C'est très compliqué. Voilà. Il y a un monde entre les deux. Je sais plus comment ça s'appelle. Putain. Ah non, bah non, c'est pas tard. Non, bah c'est pas grave. pour la trisomie, justement, c'est quoi? Trisomie 21. Un chromosome. Oui, il y a un chromosome. Oui, il y a un chromosome en trop ou en moins, ça dépend. C'est ça. Ouais, bon, ça m'amusait de savoir ça. Mais... Ouais, il y a des trucs qui sont amusants pour moi. Il y a un très beau film aussi sur... Les chromosomes ? Non, sur l'autisme, qui est un film qui est sorti dans les années 80 qui s'appelle Redman. Dustin Hoffman et Tom Cruise. Oh, il y a une séquence qui m'a marqué. C'est à un moment donné, on le voit en train. Donc, en fait, c'est ses deux frères, il me semble, c'est ça. Hein. Ouais. Oui. Donc, un qui est autiste, et en fait, il a des capacités un peu hors normes pour le coup. Ouais. et à un moment donné, en fait, il va lire un annuaire, donc un annuaire de. Tu sais, les pages jaunes. Et le lendemain, LOL. Ils vont. Quoi ? LOL ! Écoute, c'est fun pour lui. Et le lendemain, ils vont dans un restaurant, ils voient une serveuse et ils voient son nom et ils lui donnent son numéro. Oh putain. Ça fait un peu flippant quand même. Et je crois c'est que, légèrement flippant. Et je crois que dans mais... mémoire identique. Dans ce même restaurant, moi ce qui va. C'est les... À un moment, elle fait tomber une boîte de, voilà. de cure-dents. Ah, oui. Revenir à cette scène-là, justement. Et il arrive à savoir combien de cure-dents sont tombés. Mémoire eidétique. Je te rappelle le truc que tu vois du premier coup. Il y a une, scène de ceux qui m'avait marqué dans le film, c'est qu'à un moment, ils doivent absolument prendre l'avion. Et ils lui citent tous les noms d'accidents d'avion. Du coup, ils y vont en voiture. Bah, moi, c'est la scène du casino qui est mythique. Ils descendent l'escalator avec la musique. Ouais, pas mal aussi. En termes de série, vous avez Scorpion aussi qui traite des sujets justement. Alors, c'est vraiment sur un truc un peu fantastique, un peu à l'agence touriste où c'est une équipe qui arrive à résoudre tout grâce à l'intelligence. Ouais. Mais on traite aussi d'un enfant qui est justement surdoué, autiste et ainsi de suite. Mmh. Et en fait, c'est vraiment intéressant. On voit cette fois-ci le point de vue en fait de la mère qui essaye de comprendre son enfant, qui essaye d'aller dans son monde, de se rattacher à lui en fait, et pour ça elle rejoint l'équipe Scorpion qui sont tous une équipe en fait qui ont des symptômes autistiques, etc. Okay. Et voilà, et c'est vachement intéressant justement, bien que ça soit du divertissement, on a quand même un sujet de fond qui est intéressant. D'accord, ça a l'air cool. C'est un truc qu'on n'a pas Netflix. Fait encore. J'étais en train de penser à ça. Dans le zoo, alors j'ai joué quelques rôles. J'ai joué un mort, j'ai joué un. Une femme aussi. On vous invite à aller voir tout ça. Mais j'ai pas joué encore d'autiste ou genre de rôle. Ça doit être super dur. Je pense que c'est tiré. Merci. C'est mes talents, bien sûr, c'est mes talents d'acteur. Évidemment. Oui, forcément. Le problème de ces rôles-là, c'est que faut que ça se joue à la perfection, sinon ça peut vite être insultant. Et caricatural. Ou caricatural, en fait. Et il faut avoir un très bon jeu de talent, un très bon jeu d'acteur, et en même temps aussi une très bonne réalisation qui suit derrière, pour qu'on arrive à s'accrocher justement à ces personnages-là sans qu'on les fasse passer pour des caricatures d'eux-mêmes en fait. Ouais. Oui, ça n'a rien à voir avec l'autisme, mais il y avait un film aussi qui m'avait marqué, on parle de handicap, donc on va rester un peu dans le contexte. Ça n'a rien à voir. Mais le film Intouchable, l'acteur il joue un rôle, mais justement c'est les mêmes réalisateurs. D'accord. Ils se sont dit on va recommencer. Et je sais pas si vous savez, mais après ce film-là, en fait, il y a eu beaucoup de débats. Après Intouchable après Hors Normes. Okay. Et notamment, t'as la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui allait visiter les appartements des assos. Ouais, parce que du coup, c'est vrai aussi, les appartements. Oui, bien sûr, tout est vrai, si tu veux. Ouais, c'est un film en fait, c'est pas vraiment. C'est un documentaire limite. C'est pas un documentaire, mais c'est vraiment très biographique pour le coup. D'accord. C'est un peu de docu-fiction quoi. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et en fait, avant de tourner, il me semble qu'ils ont passé 2 ans, je crois, avec les jeunes de la sauce. Ah, okay. Je crois que c'était 2 ans, il me semble. Ouais. Ouais, vraiment à passer du temps avec eux, voir comment ça se passait. Enfin, t'as Eric Toledano qui expliquait comme ça que Bruno, par exemple, il a vraiment une façon de procéder très particulière. Il faut, même quand il discute avec quelqu'un, il faut toujours qu'il surveille deux autres personnes derrière. Et c'est plein de choses comme ça qu'ils essayent de retranscrire dans le film, et c'est les super intéressant. Les petites mimiques et tout ça. C'est ça. Une façon d'être. C'est ça. Et puis, un truc que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas... comment dire, même s'il y a beaucoup de violence, mine de rien, dans leur quotidien, Oui, d'accord. Forcément. Parce que j'ai cru beaucoup de violence. Tout court. Pas dans le film, mais dans leur quotidien eux-mêmes, parce que forcément, il y en a certains qui peuvent être violents. Mais ça reste quand même très joyeux. C'est Imsan qui disait ça, c'était Daoud Tatou qui disait ça, c'est que mine de rien, il s'amuse beaucoup quand même. Tu vois, il n'y a pas que du négatif. C'est ça qui est génial avec ce film, c'est que ça ressort beaucoup, je crois. Donc, oui, c'est pas un film, il a dit un truc qui m'a marqué aussi, c'est que Il y a un médecin qui lui a rapporté. Pardon. C'est dur en transition. Ouais. Changer de thème. Quand il y a un médecin qui est avec un patient atteint d'autisme, il sait plus qui est le médecin, qui est le patient. Ça ouais. peut s'inverser. Dans le sens tu vois. Où ils se soignent tous les deux en fait. Voilà. D'accord. Je trouvais ça. Ouais, j'ai. Cool. Ouais, je m'en souviens aussi. Ouais, okay. Voilà. Franchement, c'est un film très cool. Vraiment, allez ouais, le voir. Tu peux me rappeler le nom du. Hors norme. Hors norme. Okay. Ouais. En vrai, je on crois a... qu'il est encore en salle, je sais plus. Ah, il est passé en salle. Oui, il est encore je en crois salle. Qu'il est encore en salle. Il y est toujours. Au début, je me demandais qu'est-ce que c'est encore que ça. Ça va être une comédie. C'est pas ce que je t'ai dit, genre hors norme prend. C'est un gros coup de foudre. Oui, si, hors norme, oui, prend encore. En fait, on a été au CGR hier voir La Belle Époque avec Hélène, qui est un excellent film français. Honnêtement, allez-y. Oui, vu que j'en ai pas moins cher. Ne pensez pas, franchement, ne pensez pas que le cinéma français c'est que de la comédie nulle ou du drama chiant. Il y a de très bons films qui sortent de plus en plus. Là j'ai été voir trois films français récemment, La Vie scolaire, La Belle Époque et un autre que le nom m'échappe. Il y en a un qui vient aussi, c'est Play. Oui voilà, ouais. C'est celui-là peut-être. Et en fait c'est que des films voilà, qui sont très bons en fait. C'est, on commence vraiment à avoir une industrie française qui se démarque et qui se prend son envol. Et donc on a été au cinéma hier et on a vu que Hors Norme avait deux salles de cinéma à lui seul tellement il avait cartonné. Par exemple, alors que Dr Sleep, ça fait une semaine qu'il est sorti, donc la suite de Shining. Il a des séances que le soir. Il a que deux séances le soir, là où Hors Norme a deux salles à lui seul. Ouais. Comme quoi c'est franchement, franchement, voilà. La France est l'honneur. On n'a pas que le pain, on a aussi les Ça vous fera changer votre avis en fait, sur le cinéma français. Du côté boulanger. Ouais. D'accord. Je suis bien d'accord avec toi, Thomas. Oh tiens, alors, pas de transition, toujours pas. Par contre, c'est dommage. Attends, je suis déçu là. Attends, presque transition. C'est je viens de voir le titre de la musique Déjeuner en punk. Oh. Tu vois, pour revenir sur les punk. Toujours, ouais, toujours. Il est toujours là. Bah ouais, toujours des punks. Toujours Thomas. Alors j'ai hâte que tu nous dises le nom de l'artiste. DJI. DJI. On sait pas trop. DJI. DJI. Déjeuner en punk de DJI. DJI. Vas-y, tu peux l'envoyer. J'abandonne sur une chaise les chaunelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je me lui annonce pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. soudain me feras-tu un bébé pour Noël. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le ferme déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Petit fail. Vas-y, vas-y, mais pose-la la main. Voilà. Ça, ça débutait bien comme pareil. Jingle, moi je Effectivement. Trouve, ouais. Alors, ça, ce sera la musique qu'on écoutera après ouais, qui s'appelle pas trop mal, Nina Attal de People. C'est ça. Ou c'est l'inverse. Non, c'est People de Nina Attal. Ah oui, oui. Mais c'est que c'est écrit dans l'autre sens sur mon truc. Pourquoi. Je sais pas ce qui est merdé, c'est parti un truc surnaturel. Oui, voilà, un fantôme. Moi j'aime bien l'idée de jingle. T'aimes bien le... Ah, j'aime bien, ça fait une bonne idée de jingle, je trouve, le début. La musique ? Ah ouais, le début. C'est pas mal. Ouais, j'ai un peu court de fil, je peux pas me poser dans ma chaise. Qu'est-ce qui t'arrive, Phil ? J'ai cru que la tablette allait... Ah, voilà, là je peux... Allez, c'est cassé les gars. C'est ça. Voilà. Donc on va entamer cette dernière partie de PK Avenger, de 21h à pas 23h pour le coup. On est légèrement en retard, mais quasiment bon, carrément en retard, c'est même que du plaisir. Exactement. C'est que du bonheur. C'est que du plaisir. C'est pas comme s'il y en avait qui travaillaient après. Non. Moi, c'est... perso, c'est pas le cas. Donc, ouais. Ça va. Est-ce que... On s'en fout, lundi, c'est férié. Oui, oui, mais demain, il y a un terreau. Sauf pour certains, c'est ballot. Alors, pardon, pour ceux qui savent pas, Thomas va faire un stage de régie. Ah, sur un tournage long pro. Métrage professionnel. Voilà. Mais okay. Il fait la régie quand même. Ça va être ultra cool, mais ah bon. Je vais mourir. Bon courage. Oui, clairement. Alors, il va faire un manger. Tu vas me manquer. Ah, tu vas tous me manquer. De deux jours tournage d'affilée, 20h, 4h du mat, et le lendemain, 20h, 5h du mat. Ah, vache. Franchement, yeah. Sans problème. Tu penseras à nous pendant qu'on a nos interviews et tout. Ouais. Moi je te le fais en vrai, je vais esquiver toutes les interros de l'escalade. Tu vas mon super, super exposé en histoire des arts. Ah là là. Il faut que tu me l'envoies. Ouais, mais je vais demander à Jade ou Cindy de filmer. Filmer en scred. Fais un masterclass. Allez. T'as pas le droit de filmer avec une caméra, mais t'es à l'escalade comme bordel. Non, on a même pas le droit de piquer les caméras. Donc... Mais alors, du coup. Oui, alors on va parler des actus. Alors, les actus. À l'escalade, il y aura l'exposé de Gaylan. C'est toi l'actu. Non, je sais pas. On va commencer par Jolan. Ouais, moi j'ai une actu qui s'est déroulée ce week-end, le week-end dernier, qui s'est déroulée sur 3 jours. Je sais pas si vous avez entendu de parler de la Paris Games Week, qui se déroule tous les ans. Voilà. C'est sûr, on a entendu parler. Ils ont présenté les nouveautés qui allaient sortir en 2020, dont un nouveau Overwatch, un nouveau Oblivion. Quoi Ouais, ils vont sortir un... Elder Scrolls, tu veux dire? Non, non, un... remake je sais plus comment... J'ai un doute sur le nom. Un remake? Je crois que c'est un remake, ouais. Mais voilà, ils ont parlé de ça pendant les 3 jours. Puis ils ont parlé des compétitions de e-sport internationales qui allaient se dérouler aussi en France. Ouais. Donc ça commence à... Il y a Clash en ce moment. Il y a Clash, il y a League of Legends en ce moment qui se déroule. Ouais. Donc voilà. Ça, enfin, Clash Royale pour... Clash Royale. J'ai peut-être un peu trop abrégé. Excuse-moi, Jolan, de terre voilà, de terre du pied. C'était un événement qui était intéressant pour les nouveautés. Ok, d'accord. Du week-end, ouais. Ok. On a une actu comique, voire deux même. Oui, deux actu comics de sortie de comics en fait. Donc si c'est comique, c'est drôle. Oui, c'est ça. L'intérêt drôle. En l'occurrence, ça va pas être très drôle. Alors pour surfer sur la vague Joker qui a tout déferlé, DC sort Joker, le Killer Smile, qui est un comics qui est sorti récemment, je crois il y a 2-3 semaines. Et en fait, ça a été plébiscité par vraiment toutes les rédactions comme étant vraiment un digne héritier de Killing Joke dont on a parlé plus tôt. Et franchement, ouais, je vous invite à le lire. C'est des dessins qui sont assez superbement travaillés et une histoire qui plonge dans la... Tu l'as déjà lu, du coup ? Non, pas du tout. Dans la folie. Comment du Joker. Tu le sais que c'est des dessins très beaux ? Parce que j'ai regardé des images sur internet. C'était pour voir. D'ailleurs, petit aparté, la semaine prochaine, je présenterai le Joker. Ah, cool. Parce qu'on en a pas parlé, il faut en parler, il est super ce film. Parce que t'es là, je suis pas encore allé le voir, moi. L'autre actu comics, c'est le retour de John Constantine dans un Hellblazer. John Constantine, c'est un grand personnage de l'univers des comics, de DC, de ce qu'on appelle le DC Black. C'est d'un label qui est beaucoup plus adulte et beaucoup plus dégueulasse en termes de moralité, etc. Et beaucoup plus intéressant. Déjà que d'ici ils sont pas très penchés. Là c'est vraiment John Constantine, c'est un peu un enfoiré, un anti-héros. Franchement, vraiment. C'est un personnage qui est vraiment très intéressant, très ambigu moralement. Pas cool. Le mec, et quoi. Donc là ils ressortent enfin sur du Sandman Universe présente Hellblazer, le retour de l'enfoiré en impair. Tu feras attention, t'as plus que 5% de batterie. Effectivement. Allez bim, c'est la fin de tes années. Et ce comics, du coup, c'est vraiment le retour de John Constantine d'après toutes les critiques et les reviews du comics. C'est enfin le retour du John Constantine qu'on a connu des années 80-90, et ça fait plaisir. D'accord, ok, soit. Tu ferais vraiment un bon animateur. Quelqu'un d'autre? Oui, moi s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre? Non, toujours personne. Je viens de voir, t'as un tatouage sur l'avant-bras. Oui. Un parapluie avec des gouttes d'eau. Oui. Mais en dessous. Ah, oui. C'est une vision très pessimiste, on peut dire, mais ça représente Break Me The Horizon, un groupe de métal que j'ai découvert au Hellfest. J'ai tout de suite apprécié. T'as trouvé leur truc ? Ouais, j'ai pris leur logo. Copyright ? J'en appartiens, ouais. Il a signé une clause. Mais t'as une actu, du coup ? Même t'as plusieurs. Deux ? Oh, soyons fous. Oh, deux. Alors, Dieu ! La première... Marty ! Marty ! Nom de Zeus ! La première, c'est une série Netflix qui est sortie hier qui s'appelle The End of the Fucking World. C'est la saison 2. Alors je vais peut-être vous surprendre. Ouais, c'est la saison 2. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est la suite de la saison 1. Ah. Oh wow! Oh my god! Yes. J'y crois pas! Tu fais un très bon accent. Ouais, juste pour ça. Voilà. Donc, tu sais pas pourquoi j'utilise cette phrase. Pour l'instant, moi j'ai regardé que les 3 premiers épisodes. C'est super. C'est vrai. Et c'est très la saison décalé 2 et absurde. Non, de la saison 2. Mais t'as déjà vu la saison 1? Oui. Ça parle de quoi? Ouais, petit teasing. Ouais, petit teasing. T'as 15 minutes pour présenter. 15 minutes, bah ça. Un gars qui s'appelle James et une fille qui. Je sais plus. Des ados complètement pareils. C'est un gars et une fille. Un gars et une fille. Voilà, qui s'émancipe un peu de leur vie qu'ils ont. Et ils fuient. C'était des jeunes ? C'est un peu des sociopathes. Ah oh ouais, putain. Ouais, mais c'est des barges. Hein, ouais. En tout cas, c'est super. C'est cool. On aime les barges ici, apparemment. Bah écoute. Bah oui, t'as dit, on aime bien les barges. Et alors, ma deuxième actu, ça parlait d'un film du MCU. De Ant-Man 3, qui sortira en 2022. Oui, je sais, c'est loin. Il y en aura d'autres avant, je pense. Qui va introduire les 4 Fantastiques. Oui, ils avaient parlé effectivement d'un crossover. Voilà. Moi, Ant-Man, depuis qu'ils ont viré Gar White. Voilà, moi je trouve que ça pue du cul. C'est un peu du cul. Le premier, ça va, mais alors le 2. On est d'accord, c'est un peu de la merde. En gros, à la base, Edgar Wright devait faire une Ant-Man, le projet. Réalisé, ils ont gardé juste le screenplay. Et en fait, ouais, ils ont viré Edgar Wright du projet parce qu'il avait une vision trop artistique. Et trop ambitieuse qui aurait effacé le premier Avenger. Ah oui, quand même. Lol, d'accord. Voilà. C'est dommage. Donc depuis ce jour-là, Ant-Man, c'est un peu de la merde. Bon, moi, perso, tout ce qui fait partie de Marvel, je suis fan. C'est un peu de la merde. Non, mais le 2, le 2. On ne laisse pas le choix. Tout ce qui fait partie de Marvel, j'aime. Par définition. Antoine, non, j'aime pas Antoine. Non, j'ai pas dit Antoine, j'ai dit Ant-Man. Si, j'aime bien Antoine. Bon, ça se regarde parce que. Et Thor 2. Thor 2 ? Ouais. Ouais, ça, j'arrive pas peut-être. T'es tordu. Non. Non, c'est bon, j'arrête. Oui, tu veux le scratch ? Eh ben non, tu l'as pas parce que on l'a plus. Voilà. Non, c'est vrai, je te jure. Faut qu'il change le truc. Attends, bouge pas. Vas-y, fais le truc. Tant pis. Et donc. Ah, mais si, tu vas l'avoir, tiens. Peut-être Marguerite. C'est pas vraiment une actu, mais j'ai appris un truc aujourd'hui. Dieu. 2 plus 2, 1. Dieu existe. J'ai connecté de neurones. Non, en fait. L'univers, c'est 42. Merci Thomas. J'ai appris en fait que j'ai appris en fait que il y avait une loi qui était sortie il y a pas si longtemps. C'est par rapport au CNC en fait, si tu veux, c'est que les films. Le CNC qui est l'institut oui. de le centre national. De, ouais, ça file des subventions aux gens grosso modo. Du cinéma et des intéressant. Des images animées, voilà. Ouais. En gros, certains films doivent rester disponibles 5 ans. Sur l'autre plateforme en fait, parce qu'on s'est rendu compte même avec le numérique en fait on perd les films, ah. Donc ils doivent être disponibles minimum pendant 5 ans sur leur plateforme, ou alors il y a une autre solution, c'est de les mettre en pellicule en fait, mais ça coûte extrêmement cher, donc pour l'instant ils ont opté pour c'est pour faire une banque de films pour éviter de les perdre. Ouais, c'est ça, parce que t'en as certains, enfin tu prends l'histoire du cinéma quoi. T'en prends de très vieux, t'as plus nécessairement les appareils pour les lire en fait, donc ils peuvent se perdre en fait. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir les garder, mais même. C'est pas que ça concerne que les vieux films, mais c'est surtout axé sur ceux qu'on a du mal maintenant à retrouver, mais ceux qui sont récents même, par exemple. Même pour la postérité, enfin, oui. Même pour plus tard, je veux dire, toujours regarder, parce que mine de rien, les pellicules, on saura toujours les lire quoi. Mais ça coûte très cher donc. D'accord. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Antoine, une petite actu ? Non, je l'ai pas. D'accord. Chez. Moi, j'en ai une. Alors, elle est spéciale. J'ai été à l'escalade aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est un peu triste. T'étais où aujourd'hui ? À l'escalade ? Moi, je connais pas. je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que t'as été faire là-bas ? Bah, été me balader. J'ai été chercher Marguerite. C'est l'école de cinéma à Tours. Exactement, ou que Thomas, là. Non, toujours pas. Eh ben tu devrais. Thomas, Gaëlan et Marguerite sont à l'escate, évidemment. Je suis désolé Gaëlan de t'insulter. Oh là là, l'ambiance pour finir cette émission. Ouais, je vais y aller, salut. Non mais j'y ai été et du coup je me suis dit je vais rentrer, je vais visiter. Bon alors j'ai pas eu le temps de rentrer très loin, j'ai croisé Marguerite directement, ouais, vu que j'étais venu la chercher, bon, je me suis arrêté là. Par contre, en face de la porte de la classe où qu'elle sortait, il y avait une autre porte. Il y avait un mur. Est incroyable. Oui. Et je regarde dans la porte et c'est un bureau. Alors toujours c'est incroyable. Parce que là toujours incroyable. Là, et sur la porte du bureau du coup, il y avait écrit le parrain. Ouais, le parrain. Exactement. C'est le bureau d'Isabelle. Et c'est le bureau de la directrice si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. À ce point pour le parrain. Mais je trouve ce concept. C'est excellent. Ah, c'est cool en vrai. Ouais. Elle est badass, cette directrice. Ouais, c'est vrai. Avoir un côté cool sans pour autant être. Faut pas la faire chier quoi. Faut pas la faire chier. Ouais. Mais je l'ai croisé aussi. Elle a son chien qui se balade dans les locaux. Oui, c'est exactement. Ça c'est cool. Un petit bisou à Kenza. Ah, par contre, elle a un mauvais choix de prénom, mais ça c'est. Ça c'est un détail. Mais... Ouais, c'est subjectif. Ah non, en plein cours, le chien. Le chien est totalement libre dans tous les locaux. Il peut se arriver en plein cours. En plein cours, il peut venir. C'est déjà arrivé qu'il pose une perle. Non, mais ça pourrait arriver en vrai. Ça serait jamais, elle est propre. Elle est très jolie, rentre à la salle de cours, elle te lâche le père. Elle veut toujours prendre ma bouffe par contre, ça c'est très chiant. Elle le sait quand c'est l'heure du déjeuner. Puis elle est plutôt jeune aussi. Ça se voit. Elle va avoir, ouais, à peu près. Dans ces eaux-là. Mais moi je trouve ça très bien comme concept. Deviner l'âge des chiens en fonction de leur poil. Bah c'est exactement ça. Ça leur déconne. Grâce aux pigmentations. Hein ? On va faire comme dans Parasite. L'homme qui murmurait au chien. Comme dans quoi ? Comme dans Parasite. Ah oui. Les cheveux, tu arraches. Tu vois si ça bouge. Voilà, si ça bouge encore, c'est que c'est pas vraiment un chien. Non, mais ça se voit à la pigmentation des poils. Il y a certains poils blancs au museau, donc ça montre une certaine vieillesse. Mais le pourcentage de poils blancs montre un certain. Comme pour l'homme. Pourquoi tu t'y connais tant ? Moi. Alors, je sais pas si on peut me dire comme un passionné des animaux. Je regarde souvent 30 millions d'amis. Ça m'est arrivé à l'époque, hein, sans déconner. Hein, mais je sais pas, je comprends mieux les animaux que les humains. Alors, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est naturel. Okay. C'est instinctif. Je renifle des culs de chien. C'est bon, j'aurais dû m'arrêter. On va y aller long. Hein. Alors, du coup, c'est pas le tour. Dernière actu ou c'est bon ? Je sais pas. La directrice, c'est joli. Non, c'est bon, j'arrête. Dernière actu, Jamy ? Non, mais c'est tout. À part n'oubliez pas Manga sur Loire. Non, mais n'oubliez pas les paroles aussi, évidemment. Mes paroles. Manga sur Loire, samedi. Ouais, voilà, chez Thomas n'a plus de micro, on voulait plus qu'il parle de toute façon. Ah. Ta gueule, Thomas, voilà. Rip. Tiens, Thomas. Samedi tiens. De 20h. Oh, c'est gentil, dis donc. Samedi de 20h à 23h, ne loupez pas la spéciale Peck Avenger de Manga sur Loire. Voilà. Ou alors venez carrément, hein, c'est encore mieux. Ouais. Bah oui, ça serait carrément bien. Vous découvrirez l'équipe Indestar aussi. Yeah. Oui. En chair et en os. Si vous avez pas le, si vous ne regardez pas en live, vous verrez pas les images. Regardez, là on vous fait coucou, mais si vous écoutez le podcast, bah vous, non, vous comprenez juste qu'on dit coucou. De gros débiles, si ça se trouve, on est à poil, mais vous le savez pas parce que vous avez pas vu le live, c'est moche. On vous signera des autographes avec plaisir. Oh oui, carrément. Ah bah, je suis une grande star. On peut signer des autographes n'importe où. Surtout, sur n'importe quelle surface, ouais. N'importe quelle. Voilà. Quand vous pas voulez. De problème. N'importe quelle surface, ouais. Comme vous voulez. Tangent. Avec n'importe quel marqueur. Pas de problème. Okay. C'est sale. Ouais. On va s'arrêter là, je j'ai crois. Ouais, ouais, ouais, ouais, on va s'arrêter. Bon, ouais, bah, à demain. On fait des bisous. Et à jeudi. Des bisous. Et à samedi pour ceux qu'on voit.